C'est fou! 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On brunchera dans notre chronique gastronomique une grosse pointe d'adresse. Et on laissera un petit froid entre toi et moi dans ta nièce Gun Entertainer. Ah, assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 11 janvier 2018. On est à 106 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Antonia Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, là où hier soir, il y avait un party oui. quelconque de et Black ça Light. Se sent. Ah oui? Oui. J'ai le nez bouché. Non, ouais, ok, c'est ça. C'est le rhume à ouais. Mathieu qui l'empêche de pouvoir sentir la bonne odeur de Fonton. Ça m'empêche de faire bien des choses. J'ai chaud en ce moment. Là, c'est ah la oui? Fièvre, c'est la fièvre, ah mon Dieu, mais ça part pas ton affaire. Là. Non, du tout. Aujourd'hui, je devrais techniquement probablement être couché en ce moment à la place de faire l'émission. Probablement. Mais non, il y a de la radio. Ah. Je suis là pour toi. C'est « Oh, merci, hein, c'est gentil. » Et nos invités, bien sûr. Évidemment. Et voilà. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir deux invités. Oui. On n'a pas de chroniqueur. Non. Mais on a deux invités, techniquement, si tout va bien. Oui. On va avoir André Beauchamp pour parler du Gala Sport Hommage. Oui, en effet, parce que c'est cette fin de semaine, 36e édition. C'est un gala qui est connu surtout du monde du sport. Vous allez voir, on va en discuter un petit peu plus tard dans tout l'émission. Le non-sport hommage. Hein, exactement, mais ça commence à s'élargir de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce gala-là. Et c'est justement pourquoi on va recevoir André aussi, parce qu'il y a des bonnes nouvelles pour ce gala. Génial. Ensuite de ça, Marianne Doyon, la chef de la chasse-galerie, devrait être avec nous pour parler du nouveau menu de janvier. Il y a tellement de nouveautés là-dedans. Et en fait, je pense qu'on ne dit plus le nouveau menu du mois de janvier. Je pense que c'est le menu dorénavant. Je crois aussi. Et il y a certains menus qui vont changer. Certains plats sur le menu qui vont changer. Si j'ai bien compris, il y en a un stable. Ah, oh. Mais on va pouvoir lui demander un petit peu plus tard. Ben, c'est ça, exactement. On ne sait pas trop où ça s'en va. C'était pendant les fêtes, on n'était pas là. Exactement. Donc, Marilyn Doyon, en fin d'émission. Autour de ça, tu vas nous faire une chronique au moins de Tania Is Gonna Entertain Ya. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, je vais vous parler du froid. C'est sûr que ce matin, c'est température quand même assez agréable. Oui, 3, je crois. Oui, ouais, exactement. C'est sûr que, bon, au niveau de la pluie, je tiens à vous le dire, calculez un bon 15-20 minutes pour déglacer les vitres de votre voiture ce matin. Moi, je plains les gens qui ont laissé leur voiture dans le stationnement hier soir ah, ici. Ah, bravo! Ça va être plaisant pour vous tout à l'heure lorsque vous allez arriver à déglacer une bonne... une bonne couche. Oui, c'est ça, un bon pouce de glace sur votre windshield. Puis une petite brune, hein? Je sais pas si t'as vu, une petite genre de pluie fine, mince. Oui, exactement. En ce moment. Oui, en effet. Puis si on se rappelle bien, il y a 20 ans, il y a eu une espèce de grosse tempête qui s'appelait la tempête du verglas. C'est vrai. Si vous avez moins de 20 ans, vous savez pas c'est quoi. Vous l'avez pas connu. Non. Mais vous en avez probablement entendu dans vos cours d'histoire ou dans vos cours de géographie. C'est à cause de cette tempête-là que vous êtes né parce qu'il y a eu des relations. Exactement. Il y avait pas grand-chose d'autre à faire. Mais on va surtout parler du froid oui. dans ma chronique aujourd'hui. On va englober aussi cette fameuse tempête du verglas. Génial. Dans Tania Is Gonna Entertain Ya, autour de ça, ben, quelques petites chroniques maison. Bien sûr, une grosse pointe d'adresse à la fin de l'émission aussi. J'ai dit qu'on allait bruncher ensemble. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Mm-hmm. On va pas se faire du bacon en studio. Mais non. Un jour peut-être. On n'a pas le droit. Pas le droit? Non, c'est ça, la graisse, c'est comme les sacs de plastique. Hein. C'est pareil. T'arrêtes ça. On peut pas. Il y a une taxe. On peut pas. Exact. Bref, l'émission commence maintenant avec une pièce qu'on aime beaucoup, hein, qu'on dédie à toutes les Chantal de ce monde. Voici Dilarama et Chantal. C'est comme ça, dans un monde idéal, je serais plus qu'un ami pour toi, Chantal. Je ne sais plus comment te dire que je m'ennuie et qu'à part toi, personne ne semble comprendre. Quand mon cœur, pas trop fort. mental. Ce n'est pas obligé d'être comme ça. Je sais c'est impossible, tu me l'as déjà dit. Tu m'aimeras jamais comme ça. Je me cancerai en pleurant sur mes lingots d'or volant de Jaguar. Des belles, des blondes, toute la drogue du monde, ouais. Oh, quelle fin interminable, Dilarama, avec Chantal. Oui, exactement. Mais je m'en allais dire Dilarama de Chantal, mais non, c'est le contraire. Mais avoue que ça aurait mieux, ça aurait du sens, comme Ben. Ben oui, de Chantal. Vraiment. Les Chantal. Uh-huh. T'as les Michel qu'on a les Michel, c'est ça. Ah. Les Michel Le. Oui. Avec un S. Là, c'est les Chandals. Les Chandals. Les Chandals. Les Chantal, pas de E, pas de S. Non, c'est ça, c'est juste le titre de la toune. On dirait comme le pendant masculin de Chantal. C'est comme Carole. Ah, Carole ou Carole. Ouais, c'est ça. Oui. On dirait le gars s'appelle Chantal. Ouais, ouais. Ben, je sais pas, ça, je pense pas qu'il y en a. Non, sûrement pas. Non, probablement pas. Hein. On soulève des affaires. Ouais. On dit pas mal n'importe quoi. On expose des trucs. Ben, on a du temps à remplir. Donc, tiens, on va établir une liste de tous les prénoms qu'on pourrait mettre au masculin et féminin dans son foutu palmarès. Jusqu'à ce que c'est la chronique où on est allé sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, c'est quand même assez thématique, mon affaire. Je parle un petit peu de brunch déjeuner. OK. Truc comme ça. C'est bien. Pour aller avec la chronique, une grosse pointe d'adresse en fin d'émission où on va bruncher, je le disais. On commence par... Tu nous amènes des petits œufs? On verra. Oh, OK. Verra. OK. Je suis intrigué. Oui, donc là, on va commencer en parlant de sirop d'érable. OK. Ce sont des faits collants sur le sirop d'érable. On adore chaque goutte de cette garniture, que ce soit des crêpes, sur des gaufres, à même le pot. Hein? Mm-hmm. Bref, c'est pas facile à faire tout ça. Donc quelques petits faits sur le sirop d'érable. Pour commencer, ça prend environ 40 gallons de sève pour faire un gallon de sirop d'érable. Wow. Ouais, la sève très fraîche qui a un très faible taux de sucre. Donc, le sirop d'érable de haute qualité est composé au minimum de 66 % de sucre. Aussi, on dit que la plupart des arbres ne font que de 5 à 15 gallons de sève par saison. Donc, c'est quand même intense comme travail. Ensuite, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de faux sirop d'érable? Tu sais, le Aunt Jemima. Là. Ah ouais, tu sais, le sirop de poteau qu'on appelle. Le sirop de poteau en tant que tel, mettons habitant ou peu importe, c'est pas mauvais, je trouve. Non, non, moi non plus. Bien, honnêtement, je vois pas vraiment beaucoup la différence. Mais as-tu goûté le Aunt Jemima, par contre? Non. C'est dégueulasse. OK. C'est dégueulasse. Celui qui ressemble à de la mélasse. Ben, on dirait de la mélasse, on dirait de l'huile. C'est pas sucré comme on le voudrait, c'est comme collant. Ouais. C'est juste désagréable. J'ai acheté ça une fois, j'ai vraiment pas aimé ça, je le referai jamais. Même chose pour Miss Butterworth. Moi, je pense que c'était le Miss Butterworth que j'ai essayé. Aunt Jemima, je regarde ça, puis c'est peut-être pas ça. Bref. Mais le Butterworth, là, dégueulasse. Mm-hmm. Il me semble que c'est lui. Peu importe, on s'en fout. Bref, ça utilise des ingrédients comme du sirop de maïs à haute teneur en fructose, comme on connaît bien dans plusieurs produits, de la cellulose et du colorant caramel pour créer une substance pas chère qui ressemble de loin à du sirop d'érable. Et leur bouteille, souvent, va avoir le mot original, déjeuner ou sirop à crêpes. Donc, c'est jamais marqué sirop d'érable, bien sûr, parce que c'est pas fait avec de l'érable. Mm-hmm. Il y a un Institut international du sirop d'érable. Fondée en 1975, l'organisation travaille pour promouvoir et protéger le sirop d'érable pur et d'autres produits du sirop d'érable. Entre autres, l'IMSI travaille pour développer un standard universel pour la qualité du sirop et la consistance. Naturellement, leur réunion, ben, il y a souvent un déjeuner ou un buffet, hein? Avec du sirop d'érable. Oh, OK, oui. Ça vient en plusieurs grades de couleurs. T'as sûrement déjà vu les cannes de différentes teintes, nuances de couleurs, plus foncées, plus claires. Non? Oui, ouais. Du sombre, du ambre, du foncé, oui, médium, léger. Oui, oui, certainement. Bon. Je pense que c'est pas l'exposition à l'air qui fait ça. C'est elle? Ça se peut. On va en voler. Oui, oui. Donc, le système du Canada a quatre catégories. Extra pâle, moyen, ambre et foncé. Donc, aux États-Unis, on utilise. On dit que le sirop de grade A est plus clair en couleur et la variété de grade B est considérablement plus foncée à utiliser, surtout pour la cuisson, pour la cuisine. Par contre, au Vermont, on a leur propre rubrique, en fait, de braquettes. T'as le Golden Color with Delicate Taste. Ça ressemble un petit peu plus à des pastilles de goût, je trouve, à la SQ. Ouais, OK. Donc, une couleur plus dorée avec un goût délicat. T'as ambré avec un goût riche, Amber Color with Rich Taste, Dark with Robust Taste, donc foncé avec un goût plus robuste, et Very Dark with Strong Taste, très foncé avec un goût très puissant. Donc robuste et puissant, je sais pas trop, ça doit pas être très très loin l'un de l'autre. Moi, probablement. Mais bon. Ensuite, aujourd'hui, on dit qu'environ 80% du sirop d'érable dans le monde vient du Canada. Ah, les producteurs okay. américains, oui, ont déjà dominé l'industrie, mais le Canada a pris le contrôle depuis. Le Québec, à lui seul, génère 2/3 du sirop d'érable du monde. Ooh, wow! En Corée, la sève est souvent préférée au sirop. Donc, le goroso, qui dans le fond, est du sirop d'érable coréen, si on veut, qui a été pris dans par les villageois du sud depuis au moins le 9e siècle. On consomme ça en énorme quantité. On boit plus de 5 gallons, souvent en une seule fois. C'est très commun mm-hmm. là-bas de boire ça. Plus léger, j'imagine, au goût. Ensuite, les pompes pour amasser justement la sève ont remplacé les becs traditionnels et les seaux un petit peu partout en Amérique du Nord. Plusieurs opérations de sirop d'érable qui utilisent des tubes et des aspirateurs, des systèmes d'aspiration, si on veut, selon quelqu'un du Proctor Maple Research Center, voilà, qui a développé en fait un nouveau système basé sur la succion, donc qui ramasse la sève. Ben c'est ça, pas mal ça. Ensuite, 18 millions de dollars de sirop d'érable, on se souvient, récemment, avait été volé au Québec. Oui. Hein, donc, la Fédération des producteurs de sirop d'érable du Québec qui garde son sirop d'érable bien pour elle. Et en 2012, donc, les méchants ont envahi l'entrepôt principal de la Fédération et ils ont volé 6 millions de livres de ce doux sirop d'érable. Donc, c'est le plus grand vol agriculturel qui a jamais été perpétré. Et on dit que depuis ce moment-là, 23 personnes ont été arrêtées par rapport à ce cas, mais le tiers du sirop volé reste encore introuvable. Mm-hmm. Ensuite, Alfred University a offert un cours sur le sirop d'érable. Ah ouais? Ouais. Un cours. Ouais, comment bien faire du sirop d'érable? Ah ben tu sais, hein? C'est plaisant quand même. T'as envie de t'inscrire à ça, à vous? Probablement. Écoute, ça doit être une connaissance quelconque assez le fun à pouvoir pitcher dans un souper. Mais c'est assez spécifique, hein? Est-ce que tu te sers de ça à moins que t'aies vraiment... C'est sûr que si tu fais un bac en sirop d'érable... probablement que tu te lances dans le domaine de l'érablière. Je pense que tu fais pas un bac, tu fais un saut. Ouais. Le catalogue de cette école, donc Western New York, Alfred University, le cours s'appelait Maple Syrup, The Real Thing. Et la description du cours nous dit que la méthode de production du sirop d'érable est une des choses de notre société qui endure, même dans la culture de changement constant qu'on a aujourd'hui. Ce cours-là explore l'historique de la production du sirop d'érable, découvre tout ce qu'il y a à savoir là-dessus, comment créer, comment manger des confections au sirop d'érable. Et ils font même des petits voyages, des petits road trips pour aller voir des producteurs locaux, des restaurants et des festivals. Aucune expérience requise. Et finalement, McDonald's et l'État du Vermont ont déjà eu une petite chicane légale par rapport au faux sirop d'érable. Les gens du Vermont ont vraiment pas aimé ça lorsqu'une collation nommée Fruit and Maple Oatmeal, donc un gruau fruits et érable, est arrivée chez McDonald's en 2011. La loi locale dit que c'est illégal d'utiliser le mot érable sur des produits à moins que ce qui est utilisé, l'édulcorant, peu importe le sucre, soit fait à 100% de pur sirop d'érable. Le nouveau plat de McDonald's, évidemment, n'entrait pas dans ces critères-là, comme les autorités l'ont découvert. Le mot érable est quelque chose de très spécifique au Vermont, selon le secrétaire de l'agriculture Chuck Ross. Les producteurs de sirop d'érable du Vermont sont reconnus non seulement pour leurs les produits, pardon, pas les producteurs, parce que les producteurs sont pas connus pour leur saveur. Oui. Leurs produits, par contre, probablement plus. Probablement. Bref, ils ont fini par régler ça à l'amiable et McDonald's a commencé à offrir aux gens de l'État du Vermont l'option de garnir leur gruau avec du vrai sirop d'érable sur le dessus. Donc au moins, on a arrangé les choses. Voilà pour une petite liste de faits sur le sirop d'érable. Hein? On s'en va, entendre? Oui. Une chanson? Ah ben ouais! Une chanson! D'accord! Un orchestre qui va nous envoyer de la musique. Un oui. Orchestre. C'est de Soul Jazz Orchestra. Voici Dog Eat Dog. À son avis. The same system that's exploiting us, that is taking advantage of everybody. Now that's the whole story. You have those working with the system getting fucked by the system. You see, it's dumb. We all remain in the same system sold to us for generations. Since the Western society became the imperial power. It's a doggy dog world out there. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world out there. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world out there. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world out there. It's a doggy dog world out there. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world out there. It's a doggy dog world. Each man for himself. Survival of the fittest. Each man for himself. Love the jungle. Each man for himself. Survival of the fittest. Each man for himself. Love the jungle. Each man stepping on the next. Take in a race to the bottom. Take man stepping on the next in a race for the bread. Each man stepping on the next in a race to the bottom. Each man stepping on the next in a race for the bread. Now they call this freedom. Lies. Call it the natural way. Lies. They call this freedom. Lies. Call it the only way. Lies. Now they call this freedom. Lies. Call it the natural way. Lies. They call this freedom. Lies. Call it the only way. But you can't piss on my leg. Can't fool us. And tell me it's raining. Can't fool us. It's only freedom. Can't fool us. If you're the big dog eating. Can't fool us. But you can't piss on my leg. Can't fool us. And tell me it's raining. Can't fool us. It's only freedom. Can't fool us. If you're the big dog eating. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. Ça, c'est bon. Ça, c'est excellent. Ça met dedans. C'est comme ça te remplace un café matinal, ah, mettons. Vraiment, vraiment. Je pense que vous avez même pas besoin de caféine en écoutant cette chanson-là. Mais... juste besoin de danser incroyablement beaucoup. C'est 7 minutes, c'est du cardio, tu sais. C'est ça. C'est comme de la Zumba. Exactement. On pense à votre santé. Je t'ouvre pas, Mathieu. Meurs pas. On était dans son fou de palmarès. Oui. Et on y retourne. Oh oui. On était en train de parler de brunch et de déjeuner tantôt. On parle de sirop d'érable. Maintenant, on y va avec 8 choses que vous saviez pas que vous pouvez acheter congelées. Mm-hmm. Des fois, un brunch, tu sors des affaires congelées. Ça arrive. Tu sors des crêpes, des gaufres congelées. Ça arrive. Donc, c'est dans le même domaine un petit peu. On va parler de choses qui ne sont pas nécessairement pour déjeuner. Quoique, votre chien peut déjeuner avec vous si vous voulez. Certainement. Swanson. À côté ou sur la table. C'est ça dépend des gens. Ouais. Swanson a commencé à vendre des TV dinners en 1954 et les gens aiment beaucoup ça, aller dans les allées congelées de leur magasin préféré pour acheter de la nourriture facile, déjà faite et vraiment pas bonne pour la santé. Hein? Mm-hmm. On offre, bon, bien sûr, on sait, des pizzas, des légumes, des croquettes de poulet, des gaufres, de la crème glacée. Bon, mais est-ce que tu savais que tu pouvais acheter des bonbons, des friandises pour chiens congelés? Hein? Je te jure. Ben non, je savais pas ça. Ouais, c'est vrai. Ça leur gèle pas le cerveau, genre? Ben, ça, il faudrait leur demander. Bref, des fois, votre ami canin pourrait vouloir partager votre yogourt glacé, mm-hmm. entre autres. Et bien, justement, chez Yappy Treats Cart à New York, ben, ils ont vu un marché pour ça, le yogourt. Le yogourt, ben, c'est ça, frozen yogurt. Là, comment on appelle ça? Du yogourt glacé. Là. OK. C'est ça. Glacé, c'est congelé. Ah, ouais. Oui, en effet. Bref. Bien souvent. C'est ça. Donc, ça regarde la définition de congelé. Donc, ils vendent ces friandises froyo pour les canins, pour les chiens. Et ils ont du yogourt grec sans sucre pour les chiens, avec des probiotiques pour que votre chien reste en santé. Mm-hmm. Et les chiens qui sont très sélectifs peuvent choisir la variété beurre d'arachide, banane et caroube. Tu peux avoir à la citrouille et carotte et thon. Évidemment, un classique. Tout le monde demande yogourt glacé aux carottes et thon. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Ensuite, des sushis. Oui. Congelé. Ouais. Donc des congelés. Sushis. Ouais, je te jure. Ah, non, je suis pas certaine. On sait que le poisson frais de haute qualité est une composante essentielle d'un bon sushi, mais si tu peux pas avoir de sushis frais, tu peux essayer des sushis congelés. C'est une compagnie basée à Seattle, Banzai Sushi, qui vend donc des rouleaux de sushis congelés avec du riz qui va rester collant même après les avoir décongelés. Décongeler, c'est quand même assez simple, même si ça prend du temps. On prend les sushis, on les enlève de l'emballage, on couvre ça d'un emballage plastique, on laisse dégeler pendant 2 heures à la température de la pièce. Une étude japonaise récente a dit que le sushi qui avait été congelé précédemment goûtait tout aussi bon que le sushi frais. Okay. On dit que congeler du poisson pour le sushi peut protéger en fait contre les maladies de parasites comme l'anisakiasis. Je connais pas ça, mais quand même. Moi non plus. Ensuite, on peut acheter des sandwichs, des sous-marins et des panini congelés. Ça, je pense que ça surprendra pas nécessairement grand gens qui ont visité ces allées-là. Je m'achetais souvent des panini congelés dans le temps. Ah ouais? J'achète plus de repas mais congelés. Je me suis tanné. Mais c'est bien ça. C'est meilleur pour la santé un peu. Merci, oui. Donc, on dit que du pain, souvent des gaufres, des crêpes, même du French toast, le pain doré. Le pain doré? Oui. Même si tout ça, c'est quand même assez commun, c'est un petit peu plus bizarre d'acheter un sandwich au complet dans un congélateur. Stouffer's offre des sous-marins toastés, congelés, au roast beef, entre autres, et cheddar, sur un pain italien. Ils ont aussi steak style Philly et fromage. Ils vendent aussi des panini congelés, dont un club à la dinde et jambon fromage. Oh! On peut acheter des omelettes congelées. Ouais. Ouais. Ouais, non. Ouais. Les œufs, là, si vous avez déjà visité des restaurants qui servent des œufs congelés, chez Dunkin' Donuts, les déjeuners avant, c'était des œufs qui faisaient cuire, qui étaient tous déjà faits. Oui. Ils faisaient juste mettre au micro-ondes. C'était pas. Pas yob. Bref, des tonnes de gens se font à déjeuner avec des trucs congelés le matin pour sauver du temps, bien sûr, pour avant d'aller au travail ou à l'école. À part les trucs normaux qu'on aurait au déjeuner, donc des burritos au déjeuner, des saucisses, des patates à déjeuner, on peut aussi avoir une omelette complète. La compagnie Schwan Deluxe Ham and Cheese Omelette avec du jambon en dé, du fromage cheddar, du fromage suisse. Et chaque omelette vient individuellement enveloppée. Oh! Ensuite, des suçons. Des suçons congelés. En 2009, Del Monte Superfruit Smoothies a créé donc un hybride de smoothie suçon en forme de l'acteur de James Bond, Daniel Craig, bien sûr. Évidemment, un suçon smoothie, tu penses à quoi? Tu penses à James Bond. Mm-hmm. Bien sûr. Plus de 1000 personnes ont voté en fait pour que Daniel Craig soit la vedette qu'il voulait le plus lécher, battant d'autres Britanniques comme Jude Law, Hugh Grant et David Beckham. Surprenant que David Beckham ait perdu ça, mais bon. Ouais. La compagnie a engagé des artistes pour faire une version torse nu. Une représentation en suçon de cet acteur. Et le suçon venait en 3 saveurs, grenade, bleuet et canneberge. Ensuite, la soupe congelée. Ça, j'en ai déjà vu. Il me semble des soupes asiatiques, entre autres, congelées. Oui, oui. J'ai vu ça. Ouais, OK. Ouais. Je te l'accorde, asiatique, ça se voit plus. Ouais. Donc, ouais. Une soupe préfabriquée qui, typiquement, va venir en canne, on le sait. J'ai vu d'ailleurs, tu sais, des fois, j'achète encore une fois de temps en temps des soupes en canne, tu sais, les grosses cannes là, vraiment consistantes. Là. Mm-hmm. Comment t'appelles ça? Là? Genre Campbell? Genre, je pense. Mais bref. Ouais. Avant, ça venait tout le temps avec un truc pour l'ouvrir à la main. Oui. Tu sais, pour pouvoir l'amener au travail puis l'ouvrir. Là, maintenant, ils ont enlevé ça, là, c'est rendu, c'est trop, là. Non, non, maintenant, traînez votre boîte. On vous aide plus. Débrouillardier. Ben, c'est parce que tu peux pas vraiment mettre une canne dans le micro-ondes. Non, mais tu peux facilement l'ouvrir et verser ça dans un bol. Là, il faut que tu traînes le bol, la canne et l'ouvre-boîte. comprends? Ça s'ouvrait tout seul avec un petit, peu comme une canette de liqueur, t'ouvrais ça. Achète-toi un thermos. Ça veut dire de l'ouvrir chez toi avant? Ouais. Ah, mais là, tu veux sauver du temps, hein? Mais justement, tu sautes du temps en le mettant dans ton thermos. Ah, mais on se comprend que la seule raison qu'ils ont enlevé le truc pour l'enlever à la main, c'est que c'est probablement trop cher à fabriquer. Ils voulaient faire plus de profit. Probablement, ou ils se sont rendus compte que personne n'utilisait ça. Ben, moi, je m'en servais, bon. Bref, la soupe congelée, ça arrive! Donc, on pense souvent aux contenants réfrigérés pour les soupes, mais on peut les acheter aussi congelés. En 2013, Kashi a fait une petite expérience en vendant de la soupe congelée remplie de légumes. Et il y a Kettle Cuisine qui vend une variété de soupes congelées avec des saveurs comme cheddar brocoli, poulet et nouilles, tortilla au poulet, bisque au homard, minestrone, chaudrée de palourde et bisque aux tomates. Mm-hmm. Miam! Ensuite, le jus de pickle. Oh! Congelé! Ouais, du jus de cornichon, bien sûr. Bob's Pickle Pops, c'est des popsicles qui ressemblent à un popsicle, vraiment. Mais à la place d'avoir des saveurs fruitées, c'est juste du jus de cornichon. Ah, wow. C'est pas pour tout le monde, on dit que c'est salé, un petit peu vinaigré et non sucré du tout. Mais pour ceux qui aiment le sel, vous pourriez peut-être apprécier. Il y en a qui apprécient ça, les Dill Pops. Mm-hmm. Un petit trésor enfoui, si on veut. Et pour terminer, du gruau. Oui. S'il y a quelque chose de simple à faire, c'est quand même du Oui, en effet. Alors, pourquoi est-ce que c'est congelé? Mais bon, donc c'est quelque chose de bon pour la santé et de pas cher. Mais c'est pas tout le monde qui peut passer, 30 à 45 minutes le matin pour faire cuire des steel-cut oats. Là, tu sais, le vrai gruau en tant que tel, pas minute express. Ouais, mais là, on s'entend, là, wow. Est-ce qu'il y a encore du monde qui fait du gruau de zéro avec seulement les petits flocons? Là? Oui. 30 à 45 minutes, c'est long. C'est vraiment long. C'est peut-être meilleur. Je sais pas. Bref, Trader Joe's. Je pense que c'est une préférence, en fait, de goût. Sûrement. Ou la tradition. Aussi. Trader Joe's, donc, qui a résolu le problème avec du gruau steel cut comme ça, mais congelé, qui vient en emballage individuel et qui prend seulement 3 minutes à réchauffer. Le gruau congelé, apparemment, ne goûte pas tellement différent du gruau frais. Et on peut toujours ajouter des fruits frais ou des épices, par exemple, de la... ça inclut... Alors, tu peux ajouter des affaires, comme je viens de dire là, mais ça inclut de la cassonade et du sirop d'érable. Mm-hmm. C'est inclus avec chez Trader Joe's, c'est cool, hein? Bon voilà, des produits qu'on peut acheter congelés que la plupart je savais pas qu'on pouvait. Tant mieux. Voilà pour son foutu palmarès. Les liens sont sur assemblagerequis.com, note de l'émission numéro 1184. On prend une pause et au retour de cette dite pause, ce sera Tania. Oui. Avec ta première chronique. En effet. Sur quoi? Eh bien, on va parler de ce qu'on connaît depuis le début... novembre, quasiment. Fin octobre, début novembre, c'est-à-dire le froid. Wow. Ouais. C'est tentant. Je vous replonge dedans, le carrément. Il est pas prêt à ça, non? Et... pas prêt à ça. C'est fou, 89 ans. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 11 janvier 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, Tania is gonna entertain. Mais avant ça, on retourne au noir. Ah ouais? L'hiver, tu l'as dit, c'est ben ça. Ben oui, le froid, tu sais, souvent dans le noir. Le froid et le noir. Donc voici Zen Bamboo, retour au noir. Tu as creusé un trou dans mon ventre mou. J'ai découvert là où avant il y avait du sang. Attends, il faut trouver les bons mots. Une sphère remplie de lumière. Une sphère remplie de lumière brûlante. Quand le retour au noir, à quand le creux dans le regard. Hein. Deux enfants mutants tremblants qui jouent à l'amour sans vraiment savoir comment. Perroquet perdu dans les jungles roses. Oh. Deux poupées de peau c'est trop tard. Je pense que c'était les Rolling Stones sur Shuffle. Ou bien AC/DC. Je sais plus. C'était-tu Back in Black? C'est pas nous qui l'avons dit, c'est Zen Bamboo, le mon... Je vais censurer un petit peu le maudit retour. Ils sont plus vulgaires que nous autres. Juste un petit peu, mais ils ont le droit de le faire, eux. C'est de la musique. C'est ça. Nous, en nombre, on n'a pas le droit, mais une chanson a c'est le droit. De l'art. Si on cite quelqu'un comme dans Zen Bamboo a dit Chris de retour au noir, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Non. C'est Zen Bamboo. C'est Zen Bamboo. On se comprend? On a cité des paroles. Voilà. Je cite, voici la chronique Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être des médias. Fait qu'elle allait à l'école en école. Ah, c'était merveilleux, Mathieu. Je veux plus chantonner que chanter. Ouais, j'avais un petit peu remarqué. Des fois, les gens sont le même dans ta vie, c'est autour de toi ou peu importe. Ils vont ils chantonnent, comme, non? Se mettre à chantonner ou à siffloter la chanson. Est-ce comme... que tu fais référence à moi quand je travaille? Non. OK. Ah non, et puis il regarde un peu partout, hein. C'est clairement non, moi. Je pense à quelqu'un d'autre, mais pas à toi. Ok, phew. C'est le processus d'élimination dans ce cas-ci va être facile à déterminer. Et on te salue. Ouais, bon. Mais hypocrite, hein. Donc, Tania is gonna entertain you. Aujourd'hui, on parle de froid. Oui, exactement. On va parler de froid ce matin parce que si vous n'étiez pas de ceux qui vivaient sous une roche dans les derniers temps, mm-hmm. vous avez connu le froid oui. que le Québec a connu. C'est-à-dire quand même des bonnes températures. On n'a jamais vraiment descendu en bas de moins 30 au thermomètre, mais on a parlé de facteurs éoliens. Oui. Et avec facteur vent. Ce qui n'est pas en degrés Celsius, techniquement. C'est ça. Je ne peux pas dire qu'il fait que température ressentie moins 30 degrés Celsius. C'est moins 30, exactement. Mais c'est pas des degrés Celsius. Hein? Ça arrive souvent, en fait, qu'on va écouter la météo, par exemple, que ce soit Météo Média ou la météo à la radio, à la télévision. Si vous écoutez la météo à la radio, c'est clairement pas au 89 FM. Et on vous bannit! Exactement. On veut pas de vous autres. Mais on parle souvent, par exemple, d'un moins 22 température ressentie, ouais. moins 30. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que si vous êtes de ceux qui sont nés au Québec, ça veut pas nécessairement dire que vous comprenez pareil. Non, ben c'est pareil comme le pourcentage de précipitation. C'est pas ce qu'on pense que c'est. Exactement. C'est puis, complètement autre chose. Et parfois, ça arrive pas. C'est sûr que ce sont des comme tu l'as dit, des précipitations au niveau de la pluie. Il faut les anticiper. On a des météorologues qui travaillent là-dessus. Mais quand on parle de température ressentie, c'est qu'il fait beaucoup plus froid, en fait, que la température en Celsius sur notre thermomètre. Fait que c'est un petit peu plus compliqué à comprendre pour le commun des mortels, surtout si on n'a pas fait de cours en météorologie. Comme la plupart, je pense. C'est hein? ça, exactement. Ouais. Donc, durant la saison hivernale, c'est quand même assez fréquent de ressentir une température beaucoup plus froide, par exemple dans notre visage, si on n'a pas de cache-cou, que celle qui est indiquée au thermomètre. Au thermomètre, c'est oui. trifluvien, ça. Je sais, hein? Donc, le vent, en fait, c'est le grand responsable de cet écart entre la température réelle et la fameuse température ressentie. C'est un indice de refroidissement éolien. On l'entend souvent quand on va encore une fois écouter la météo. Et en fait, ça désigne la sensation de froid qui est induite par le vent sur un organisme vivant. C'est quand même clair. Donc, si vous êtes dans votre voiture, mm-hmm. vous allez ressentir moins 30. Oui. ta voiture va ressentir moins 24. Parce que le vent, ça lui importe pas. Ça lui importe pas. Ah, je comprends. Elle n'a pas bon, d'organisme ça. Vivant. Ah. Donc, ce qui est un organisme vivant, en fait, qui va dégager de la chaleur et qui s'ajoute à la température réelle de l'air ambiant, c'est une quantification, en fait, du taux de perte de chaleur. Donc, ta voiture, elle va perdre de la chaleur, mais elle n'a pas d'organisme vivant. Il n'y a rien qui l'aide de l'intérieur. Donc, un manteau qui fait parler à moins 30, même si la température ressentie est de moins 40, il va aller jusqu'à moins 30, le vrai facteur moins 30, la vraie température. C'est ça. OK. Donc, si tu peux aller jusqu'à moins 40, tu vas être correct parce que techniquement, il fait moins 30. C'est ça. Okay. Exactement. C'est pas applicable qu'aux êtres vivants à sang chaud, il faut le savoir. Le corps humain, ça forme en fait une bulle de chaleur naturelle autour de lui. Donc, lorsqu'on a des vents froids qui vont toucher l'organisme, bien, on perd de cette chaleur-là parce qu'évidemment, notre corps veut se réchauffer le plus rapidement possible et le corps va dépenser beaucoup plus d'énergie pour préserver cette fameuse chaleur-là. Donc, les objets, comme je le disais tout à l'heure, qui, comme une voiture, qui ne sont pas exposés de la même façon à ce facteur-là, ça ne ressent pas la même chose. On parle souvent aussi de température ressentie, mais on peut pas l'exprimer en degrés Celsius, parce qu'en réalité, c'est un nombre sans unité. C'est ça, c'est juste un peu dans les airs, c'est du vent littéralement. C'est ça, exactement. C'est pas un vrai degré. C'est ça, on a une formule de calcul de refroidissement éolien. En fait, on va combiner la vitesse du vent et la température extérieure. Et ça va l'indice qui va être obtenu avec ce fameux petit calcul-là, ça n'a pas d'unité, mais ça donne une valeur similaire, par exemple, à des degrés Celsius. Donc, c'est pourquoi on va pouvoir en faire une certaine comparaison. C'est pour imaginer un petit peu, pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent qu'il fait pas mal plus froid, ouais. Par exemple, que moins 22. Mais après ça, ça s'en sert mal, parce qu'ils vont dire degrés Celsius. C'est ça, exactement. Donc, le mouvement de l'air autour du thermomètre, ça n'influence pas la température qui est indiquée sur le thermomètre. L'évaluation, en fait, de l'indice de refroidissement éolien, ça équivaut un petit peu à la sensation de froid qui est ressentie sur la peau pendant une journée froide avec du vent. On parle à ce moment-là de température équivalente par opposition à la température qui fait réellement. Donc, si on regarde, par exemple, durant la nuit ou juste le soir versus la nuit, bien, on va dire que, par exemple, il va faire moins 22, température ressentie moins 33. Ça s'est vu dans les derniers temps, là, dans les dernières semaines où il faisait extrêmement froid. On avait des nuits, par exemple, à moins 27, mais la température ressentie était de moins 38. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on avait un haut taux de vent. Un haut taux de déplacement de vent. Donc, dans les prévisions locales, la température qui va être ressentie va être indiquée sous la température de l'air ambiant. Et c'est une bonne référence, en fait, pour pouvoir planifier les sorties extérieures. Oui, parce que si tu restes en dedans, tu vas pas le sentir, le moins 38. Ben non, exactement, parce que t'auras pas de vent. Et si tu sors à l'extérieur, considérant que ça va être juste la température réelle, bien là, tu vas probablement te dire que t'es mal habillé. Oui. Parce qu'il va y avoir beaucoup de vent. Mmh. Et la confrontation du vent avec la vitesse du vent versus comment t'es habillé, eh bien là, tu vas réaliser en fait qu'il fait pas mal plus froid que juste 22. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est une bonne référence en fait pour pouvoir... Il y a une mouche qui vient de se réveiller en studio. C'est un peu étrange. C'est drôle, on parle de froid, mais il fait moins 3. Ça se peut, oui, on n'a pas c'est du zéro. C'est donc ça, on n'est pas dans des grandes températures de froid les ce matin. Les mouches font « Ah ouais, je peux sortir? » Okay. Donc, c'est une température qui va être ressentie, comme je le disais tout à l'heure, sur votre peau. Et la formule de calcul de ce fameux refroidissement éolien-là, ça combine, comme je le disais, la vitesse du vent, la température extérieure, l'indice qui va être obtenu n'a pas de valeur similaire à des degrés Celsius. On ne peut pas nécessairement dire qu'il fait moins 33. C'est pas vrai. Ah, ouais. C'est pas vrai. On va pouvoir la comparer. On va pouvoir, bien évidemment, pour que les gens comprennent bien qu'il fait beaucoup plus froid. On a l'impression qu'il fait moins 33. C'est ça. C'est vraiment, on a une impression de. C'est ça veut dire température ressentie. C'est l'impression que t'as qui fait. C'est comme si t'es dehors l'été puis tu te mets directement là où le soleil plombe. Puis il va faire beaucoup plus chaud que si tu vas à Londres. Exactement. Dans le sud du Québec, on va émettre, par exemple, un avertissement de refroidissement éolien quand il va y avoir un équivalent à moins 38 au moins de 3 heures. Ah. Donc, dans le nord du Québec, il faut que ça s'abaisse à moins 48. Selon la place où vous êtes au Québec, probablement que les avertissements de refroidissement éolien ne sont pas les mêmes, tout simplement à cause des vents qui passent dans vos coins. Ça arrive pas vraiment très fréquemment qu'on a de gros avertissements de refroidissement éolien. On en a eu dans les dernières semaines parce que, bon, on s'est rendu à moins 38, moins 40, on va se le dire, ici en Mauricie. Mais en temps normal, le vent en Mauricie est pas si pire que ça. Si on va, par exemple, dans le nord du Québec où on a vraiment là, de grandes étendues très, très vastes, eh bien, le vent a une force de déplacement assez incroyable. On a de l'espace pour se déplacer. Donc, automatiquement, oui, il va faire beaucoup plus froid parce que le vent va pouvoir atteindre une vitesse beaucoup plus maximale que si on est ici entouré de voitures qui, déjà en partant, va faire une certaine chaleur, qui est entouré aussi d'immeubles. Donc, ça fait une certaine balise face à la vitesse maximale qu'un vent peut atteindre. Tandis que, comme je le disais, si on va dans des champs, par exemple, là, je fais juste penser, mettons, entre Trois-Rivières et Berthier, bien, on passe quand même beaucoup de champs. Mais bien souvent, la température va changer dans ces temps-là et vous allez pouvoir le voir aussi au thermomètre, par exemple, de votre voiture. Parce que le vent n'est pas arrêté. On n'aura pas de blocage à ce niveau-là. Si on regarde ça du niveau du Québec en termes de refroidissement éolien, en 1968, les habitants du Saguenay ont ressenti moins 55. Hey, il fait fret au Saguenay, C'est ça, le sud de la province n'a pas échappé à cette fameuse réalité-là. On a enregistré moins 49 dans la région de Montréal en 1976. C'est pas mal les plus grosses températures qu'on a eues du côté du Québec en plusieurs années. Et il faut savoir aussi qu'un thermomètre n'indique pas de valeur inférieure à la température de l'air. Donc, on ne pourra jamais nécessairement avoir une température ressentie moins. Tu sais, ben oui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas calculer du négatif. Non, c'est ça. Okay. Comme on le disait tout à l'heure, une voiture qui est faite de métal, bien la carrosserie émet pas de chaleur. Donc, si la voiture est à l'abri ou non du vent, bien la température du moteur va être identique à la température réelle du thermomètre. Vous allez vraiment avoir là, la vraie température à l'intérieur de votre voiture. C'est pourquoi, parfois, quand je rentre à l'intérieur de ma voiture, j'ouvre la radio et ça dit « température ressentie, moins 30 ». Je regarde le thermomètre, c'est moins 20. Là, tu fais comme « ben voilà ». Ta radio, t'as quel poste quand tu sais, sérieux. Pourquoi? Ça arrive dans ton char et ça dit « température ». C'est louche. Ben, c'est en anglais. OK. Donc, ouais, je suis désolée. Donc, à ce moment-là, tu sais, t'as comme un questionnement. Tu fais comme, voyons, mon thermomètre dans ma voiture fonctionne pas. Non, c'est juste que ta voiture n'est pas un être vivant. Donc, on peut pas calculer la pour chose comme ça. Pour l'instant, un jour peut-être. Exactement. Et il y a deux scientifiques américains, Paul Seppel et Charles Passel. Paul Seppel puis Charles Seppel. C'est ça, exactement. Okay. Ont développé le concept, en fait, du refroidissement éolien pendant certaines expériences en Antarctique dans les années 1939 et 1941. Ils se sont rendus compte que la température qui était ressentie avec les grands vents était vraiment différente de celle qui était indiquée sur leur thermomètre. Donc, c'est eux, au cours de certaines expériences, qui ont décidé de réaliser c'était quoi une température de refroidissement éolien. Si vous voulez des conseils, parce que là, on s'entend, on est début janvier, l'hiver n'est pas terminé, OK? On a passé quand même un bon temps durant le temps des fêtes à se geler, on va se le dire, à avoir des températures qui sont quand même très, très froides, mais c'est pas terminé. Et c'était pas le pire non plus. C'était pas le pire. Présentement, il mouille, il mouillasse. Ouais. On a de la pluie verglaçante, fait moins 4. C'est le fun, on se sent comme en automne. Ça durera pas. OK? On va se le dire, il va recommencer à faire froid. On est au Québec, sinon, veuillez déménager. Si vous voulez des petits conseils pour pas geler à l'extérieur, il faut déjà savoir qu'on va perdre 40% de notre chaleur par la tête. Ça prend automatiquement une isolation de qualité lorsqu'on veut pas nécessairement geler à l'extérieur, parce que c'est aussi par les extrémités qu'on attrape le rhume. Parlez-en, Mathieu. C'est ça. Donc, il faut être bien habillé de la tête aux pieds, surtout quand le mercure chute, justement, brusquement, là, comme on a pu voir dans les dernières semaines. C'est une clé aussi pour ne pas grelotter. Mm-hmm. Tu sais, là, claquer des dents, là. Oui, c'est un investissement de bien s'habiller, mais c'est un bon investissement parce que sinon, l'hiver va être vraiment long. Vous allez probablement être malade de façon incroyable. Et avant tout, si on est fatigué, qu'on n'a pas bien mangé, bien le corps va avoir de la difficulté à aller chercher l'énergie pour nous donner de la chaleur. Ça, il faut le comprendre automatiquement. Ensuite, il y a le type d'activité extérieure aussi qu'on va pratiquer. La météo et la capacité à tolérer le froid qui va déterminer en fait la manière dont on va pouvoir se vêtir. Si on a une bonne tolérance au froid, si on n'est pas quelqu'un de frileux, automatiquement, ça se peut qu'on s'habille moins que notre ami qui est tout le temps gelé. Et là, je parle de gelé en termes de température et non pas en termes de ce qu'il fume ou ce qu'elle fume. Donc, il ne faut pas hésiter à bouger pour activer en fait la circulation sanguine. Et il y a des experts qui donnent quelques astuces, oui, justement pour pas geler l'hiver. Il faut se protéger la tête, comme je le disais, parce qu'on perd 40 % de notre chaleur par la tête. Donc, ça prend une isolation quand même assez optimale. On peut opter, en fait, pour une tuque en tissu synthétique à l'intérieur, comme par exemple du polyester ou de la laine à l'extérieur. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir conserver la chaleur là, au maximum au niveau de notre tête. Et comme ça, on va surtout pas nécessairement avoir froid dès les premières minutes. C'est ça qui est quand même assez important. C'est du moment que vous allez sortir à l'extérieur. Si vous avez froid dans les premières minutes que vous sortez, vous avez un bon indice que vous êtes peut-être mal habillé. Okay. C'est sûr que si vous sortez à l'extérieur puis il fait moins 42, ça se peut que vous soyez bien habillé pareil. C'est juste qu'il fait extrêmement froid. T'sais. Il y a aussi l'adaptation du chaud au froid qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Pour réchauffer la température de l'air quand on va respirer, c'est justement de faciliter avec de l'activité, en fait, de bouger le plus rapidement possible. Sinon, on va y aller avec des bonnes chaussettes. Et quand on parle de bonnes chaussettes, là, je vous parle de bas. On va essayer de maximiser la laine, en fait. On perd 40 % par la tête, mais on perd environ 30 % de la chaleur du corps par les pieds. Donc, si vous calculez ça comme ça, on est pas mal rendu à 70 % de notre chaleur, juste si on a des mauvais bas puis pas de tuque, tu sais. Wow. Donc, les chaussettes en laine, en fibres naturelles, ça permet de garder les pieds au chaud et ça va aussi absorber et évacuer l'humidité. La laine de mérino, là, ben oui, j'adore ça. On y pense pas souvent, mais la plupart du temps, c'est nos pieds vont créer quand même une bonne humidité. Si on a de la difficulté à évacuer cette humidité-là, ça peut tout simplement nuire justement à la conservation de notre chaleur corporelle. Donc, il faut garder nos pieds au sec, c'est essentiel. Et surtout, on va éviter les bas en coton parce que ça garde l'humidité. Donc, je viens de comprendre pourquoi je me suis gelée une coupe d'orteil en allant patiner. Et si on transpire, les pieds vont devenir mouillés. On va avoir rapidement froid, ça va geler. Et les chaussettes, bien, c'est comme une tuque, en fait. C'est un investissement, comme un manteau, comme des bottes, pour que justement on puisse trouver une solution là, assez rapide à pouvoir se garder au chaud. Et comme on ne veut pas perdre jusqu'à 30 % de notre chaleur corporelle, hein? Ouais. Des petits bas en laine. C'est cher. Tu peux avoir des bas de ce genre de qualité-là à 20 $ la paire. Là. Ouais. Mais c'est un investissement, c'est super durable. Ben, surtout si vous êtes genre à faire beaucoup d'activités extérieures, ouais. Si vous êtes genre à skier, si à vous marcher. Êtes à marcher, raquettes. Si vous êtes genre à aller patiner, bien automatiquement, tu sais, vos pieds sont en action. C'est sûr que vous allez bouger, donc automatiquement, il va y avoir de l'humidité qui va se créer. Vous voulez optimiser la chaleur de façon automatique, ça, c'est sûr et certain. On va y aller avec des bottes isolantes. Et là, quand je parle de bottes isolantes, il faut que la botte soit montante, donc que ça monte quand même assez haut. Mais si on fait une activité où on va transpirer beaucoup, il ne faut pas qu'elle soit trop isolante parce qu'on va garder, encore une fois, cette fameuse humidité-là. Et la semelle doit être assez épaisse pour éloigner le froid du sol. Donc, tu sais, on veut s'éloigner du sol, en fait, pour se tenir loin du froid. Donc, pour ceux qui sont plus frileux, là, où il fait très, très froid, on peut utiliser des chauffe-orteils jetables, là, des hot pads, qu'on appelle des petites enveloppes de chaleur. Il y a aussi des semelles thermiques qui existent. La plupart du temps, ça se connaissait dans les années 1990, début 2000. J'entends que les habits de soude de skinny fluo. Ça, t'avais l'impression de te mettre du papier foil dans le fond de tes bottes, mais ça fonctionnait super bien. C'est des semelles thermiques ou encore des semelles chauffantes à batterie, ça existe. Par contre, faites attention pour pas vous brûler le dessous des pieds, c'est quand même assez important. Et les bottes devraient être environ une demi-pointure plus grande que la taille habituelle pour justement favoriser la circulation de chaleur à l'intérieur de la botte. On veut pas couper la circulation non plus, donc à ce niveau-là, c'est pourquoi on va prendre un demi-point plus grand et on les serre pas trop. Hein. serrez pas trop vos bottes. On pense aussi à faire sécher les semelles et on va éviter de poser directement les bottes sur le calorifère parce qu'on veut pas les abîmer. On veut quand même conserver une bonne adhérence au froid, une bonne botte aussi dans sa forme, donc on veut pas la déformer de ce côté-là, et surtout qu'on va probablement avoir payé quand même un bon prix pour une botte isolante, pensez-y. Les mitaines, on va prôner les mitaines au lieu des gants. Ouais. Okay? Ouais, ben, sachez-le. Je suis d'accord avec ça. Ça, je pense que c'est quelque chose que la plupart des Québécois savent là, par habitude. Mais pour les mains, on va privilégier les mitaines parce que les doigts vont être regroupés. Donc, ça va rester beaucoup plus chaud. En fait, on recommande souvent de porter des plus petites mitaines à l'intérieur aussi. Vous pouvez porter, si par exemple, vous faites une grosse journée à l'extérieur, vous allez marcher justement en raquette ou peu importe, tu sais, les petits gants noirs à l'intérieur d'une mitaine. Ça peut être quelque chose de très, très bon. Ou encore, on va se procurer des mitaines qui sont déjà doublées. C'est sûr que c'est un avantage à ce niveau-là. On va éviter le coton, encore une fois, parce que ça ne laisse pas aller l'humidité. Et on va aller aussi chercher à certaines occasions des chauffe-mains jetables. Ça peut être utile. Encore une fois, faites attention à ne pas vous brûler. Et une fois à l'intérieur, il ne faut pas oublier de faire sécher l'intérieur des mitaines. Parce que, oui, on l'a dit, on a de l'humidité qui est sortie, mais ça ne veut pas nécessairement dire que si vos mitaines sont capables d'évacuer l'humidité, elle a évacué toute l'humidité. Et on ne veut pas non plus arriver et devoir remettre une mitaine toute humide. À ce moment-là, on part automatiquement avec un moins, un petit point négatif à ce niveau-là. C'est qu'on va sortir à l'extérieur et automatiquement, on va avoir froid aux mains. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On va les faire sécher de façon adéquate. Il faut se munir aussi d'une deuxième paire. Souvent, on se dit une paire de mitaines, c'est correct. Mais quand on fait une activité à l'extérieur, les experts suggèrent d'apporter une paire supplémentaire de bas et de mitaines, surtout pour les enfants, mais parce que si elles sont mouillées, tu sais, oui, OK, l'humidité peut sortir de l'extérieur, mais ça ne veut pas dire que ta mitaine ne sera pas mouillée. Si elle est mouillée, il y a de plus grandes chances que le bout des doigts gelés. Donc, à ce niveau-là, on va tout simplement pouvoir les remplacer beaucoup plus rapidement et conserver la chaleur du bout de nos doigts. Il faut rester au sec avec une première couche. Il faut même aller jusqu'à 3 couches. Donc, la première couche, en fait, c'est important de comprendre que c'est pour rester sec. Donc, on va prôner, tu sais, quand on parle de combine. Ben, c'est notre première couche. Mais on va y aller avec des combines pas en coton, parce qu'encore une fois, on ne sera pas capable d'évacuer l'humidité. On va y aller avec des choses qui vont être quand même assez minces, qui vont absorber, mais qui vont évacuer l'humidité et la sueur aussi, parce que bien évidemment, on va être en train de faire de l'activité à l'extérieur. Donc, c'est crucial. Il faut que ça nous garde au sec à ce niveau-là. On va prôner encore une fois la laine, quelque chose qui pique pas trop, qui va absorber, qui a des priorités aussi antimicrobiennes. Pour certains, ça va amener le petit côté hypoallergène aussi. Donc, ça va apporter de la chaleur. Et comme les vêtements faits de 100% laine de mérinos sont plus fragiles, bien, on peut opter pour un mélange de fibres synthétiques avec de la laine, comme par exemple du polypropylène et de la laine mérinos. Ça va peut-être coûter moins cher. Et les fibres synthétiques, bien, ça évacue l'humidité. Ça rend le vêtement beaucoup plus résistant parce que c'est du plastique, en fait. Donc, à ce niveau-là, ça va être quand même bon pour vous. C'est cool les mélanges, mais moi, je suis all-in sur le mérino. Ouais? All-in. Ah ouais? Ah ouais, j'adore. J'achète des bas en ce moment, mérino, tout le temps. C'est ça qui est le fun, en fait. Ouais, c'est parfait. Il faut aussi comprendre qu'il faut s'habiller au bon moment. Ouais. Les gens font souvent l'erreur, en fait, de porter leur équipement beaucoup trop tôt. Mm-hmm. Là, quand je parle d'équipement, c'est si, par exemple, vous allez patiner, vous rentrez dans une cabane. Déboutonnez-vous. Ah, OK. Ah. Si on va faire, par exemple, de la raquette dans les Laurentides, je dis ça comme ça, qu'on porte nos bas de laine dans voiture pendant 45 minutes, par exemple, pour se rendre, bien, on va avoir transpiré dans les chaussettes et ça risque déjà d'être humide. Donc, une fois dehors, on va avoir froid parce qu'on va déjà avoir eu trop chaud. La solution, en fait, c'est de partir avec deux paires, comme on le disait tout à l'heure, deux paires de bas, deux paires de mitaines, une paire qu'on va porter dans la voiture et une paire qu'on va mettre une fois sur les lieux de l'activité. Ou sinon, on y va avec des bas normales, puis rendu là-bas, on va mettre nos bas de laine. T'sais, on comprend le principe. On va éviter d'habiller les enfants trop vite aussi. Souvent, quand on a une petite famille, bien, t'sais, on dit souvent, les enfants vont avoir chaud, ils attendent sur le bord de la porte, là. ben un coup qu'ils vont sortir à l'extérieur, ils vont avoir froid beaucoup plus rapidement. Donc, s'ils attendent trop longtemps, bien, ils vont transpirer, ça sera pas super bon. Donc, si on a un trajet assez long à faire en voiture, retirez votre tuque, retirez les gants, ouvrez votre manteau. On va appliquer la même règle, en fait, pour les enfants. Donc, oui, on se dit, il faut les habiller, on sort dehors. Sauf qu'à l'intérieur de la voiture, là, il fait chaud, surtout si on est cinq dans le char. Si on se promène en ville, qu'on entre dans les magasins, dans le métro, bien, il faut prendre le temps quand même de se dézipper un petit peu. Parce que justement, sinon, on va beaucoup trop conserver la chaleur à l'intérieur. Et du moment qu'on va sortir à l'extérieur, ça va être un trop gros contraste de froid et de chaud. Donc, à ce niveau-là, il y a plus de chances qu'on tombe malade. Wow! Et... bien évidemment, je vais finir sur ce point. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'il y a eu la crise du verglas au Québec. Ah, souvenir, hein? Eh, hey, boboy, hein? Moi, je me souviens exactement ce que j'étais en train de faire. Ouais, est-ce que tu t'en souviens? Non. Ben moi, mon père travaillait pour la ville de Trois-Rivières au niveau des services publics. Donc, automatiquement, mon père a été appelé à devoir rentrer, faire quelques heures de travail supplémentaires. Mais on était dans le noir. Et ma grand-mère habitait au-dessus de chez moi, au duplex chez mes parents. Et on était comme vraiment beaucoup trop chez ma grand-mère. Hein? Et on coloriait à la chandelle. Oh! C'est le fun, ça? C'est le fun. Ça a rapproché les gens. Ben oui, puis c'était dans le temps des fêtes. Hein. Il faut se rappeler quand même la tempête du verglas. Donc, il y a des leçons quand même que le Québec a appris à la suite de cette grosse tempête-là. D'ailleurs, les crises sont gérées beaucoup plus localement maintenant. La crise du verglas, en fait, ça avait été géré à partir du bureau du premier ministre. Aujourd'hui, on rapproche la gestion le plus possible vers les municipalités, vers le citoyen directement. Donc, le directeur des opérations à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du Québec, qui dit que la tempête du verglas, ça a peut-être eu un côté positif à ce niveau-là. Ça permet d'évaluer les besoins, d'offrir les services publics beaucoup plus rapidement aussi, reconstruire les ponts, reconstruire les routes, parce qu'on se rappelle que ça avait fait du dégât. Donc aussi, la sécurité publique s'est rendue compte que les gens étaient rassurés, en fait, par la présence d'un centre de gestion de crise à proximité. Si c'est géré à grande échelle, ça ne veut pas dire, par exemple, que Trois-Rivières serait nécessairement géré aussi rapidement que Montréal et Québec. Pas de priorité, disons. C'est ça. Donc, il n'y aurait pas nécessairement un centre de gestion de crise établi aussi rapidement. Tandis que si on y va du côté civil, si on y va du côté municipalité, bien automatiquement, ça va sortir. Tu sais, c'est logique. Par la suite, une autre leçon qu'on a apprise à la suite de cette fameuse tempête-là, c'est... la communication doit être fluide, mais elle doit être franche. Oui. Donc, pas de bullshitage là-dedans. Exactement. On a observé, en fait, une grande évolution en matière de communication dans le monde de la sécurité publique à la suite de cette tempête-là. Il y a 20 ans, un particulier pouvait, par exemple, ouvrir un centre d'urgence 911 sans aucune certification. Le Québec en comptait 98 et aujourd'hui, on a 29 centres dans une structure qui est très bien organisée. On doit avoir un certificat de conformité du ministre de la Sécurité publique et ça oblige notamment à utiliser la même plateforme téléphonique, avoir un plan d'urgence qui est bien détaillé et de guider les gens en cas de catastrophe majeure, chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Eh ben. Donc, c'est quelque chose qui est différent. Mais il y a aussi Hydro-Québec qui a modifié ses façons de faire. Entre autres, on a prévu des cellules spécialisées pour vulgariser l'information technique qui était donnée assez rapidement, qui était donnée aux 24 heures sur 24 aussi. Donc, la commission a rapproché, en fait, la Société d'État de pouvoir fournir rapidement de l'information qui concerne en fait l'ampleur réelle du sinistre, chose qui n'était pas tout le temps fait non plus il y a 20 ans. On voulait pas trop en dire non plus pour pas alarmer les gens, mais il y a quand même des gens qui sont restés comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sans électricité. Ouais. Donc, à ce niveau-là, de rassurer les gens rapidement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus franc et c'est beaucoup plus apprécié du public. Le verglas, c'est inévitable, OK? Donc, le réseau électrique doit être prêt. Chose qu'il n'était pas il y a 20 ans, clairement. Donc, c'est une des scènes, en fait, de la crise où il y a 80 pylônes qui s'effondrent, par exemple, d'un coup entre Sainte-Julie et Saint-Hyacinthe. Ça l'a convaincu Hydro-Québec, en fait, de remplacer certains pylônes en bois par d'autres en acier. Il y a des cas de lignes à haute tension aussi. Il y a des nouveaux modèles qui sont sortis. Donc, on a travaillé travailler ces effets-là pour pas qu'on ait d'effet domino avec les pylônes électriques. Et il y a des changements climatiques aussi qui pourraient avoir comme effet d'augmenter le nombre de jours avec la pluie verglaçante. Mais ça veut pas dire qu'une tempête comme celle-là, parce qu'on avait quand même connu 110 mm de glace accumulée en 5 jours il y a 20 ans, bien c'est un risque davantage de se produire à nouveau. Donc selon Environnement Canada, c'est impossible de prévoir un événement comme on avait connu. On veut des dates. Ouais, c'est ça. Mais non. Mais c'est impossible de le prévoir parce que ce qui s'est passé en 98, il n'y a pas personne qui l'avait prévu non plus. Donc, Hydro-Québec remplace ses équipements par des lignes capables de supporter 65 mm de verglas. Mais on en avait connu 110 mm. Ouais. Donc, c'est deux fois plus quand même. Et il y a un système de suivi de tempête de verglas en temps réel qui a été établi par certains centres météorologiques. Donc, à ce niveau-là, on essaie de regarder les choses et faire en sorte qu'on aurait une plus grande facilité à pouvoir évacuer, par exemple, certaines personnes ou tout simplement à transmettre l'information plus rapidement. C'est le fun, ça. Ça serait merveilleux. Ben oui. Puis là, je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est pas du verglas qu'on connaît présentement, mais il y a une petite pluie verglaçante. On se rendra pas à 110 000 m comme non. Il y a 20 ans, ne vous inquiétez pas. Par contre, Il y en a pareil. Tu sais, puis on l'a dit, c'est inévitable. C'est de la météo, on peut juste subir. Alors, il faut se préparer en conséquence. Voilà. Tu l'as dit. C'est comme les biscuits météo. C'est inévitable que je vais finir par en manger bientôt parce que j'ai faim. Pareil. Ils sont bons, ces biscuits-là. Exactement. Merci, Tania. Toujours très, très intéressant. Tu te dépasses. Merci, c'est gentil. On prend une pause. Et au retour, Assemblage Requis continuera. Assemblage Requis en ce jeudi 11 janvier 2018 à l'Italia Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, dans quelques instants, on va jouer à le vrai le faux. Ensemble, quelques minutes, pour ensuite retourner à Tania. Deuxième sujet qui s'en vient tantôt, toi? Oui, activité extérieure. On vient de parler du froid, on vient de parler de bien s'habiller. Maintenant que vous savez ça, c'est à passer à l'action. Qu'est-ce qu'on fait en Mauricie? Action-réaction! Exactement. Ouais. Mais pour vrai, j'ai écouté tes conseils. Je vais probablement réécouter la chronique. Et te mettre une tuque sur la tête, non? Ben oui, effectivement. Non, mais je savais pas ça, le 40%. Parce qu'en tête, je mets pas de tuque parce que je veux pas gâcher mes cheveux. Oui, mais en même temps, on s'entend que moi, par exemple, j'utilise ma voiture pour m'en venir de chez moi à ici. Ouais. Toi, t'es à pied. Il y a probablement plus de chances que tu perdes de chaleur par la tête que moi, j'en perds par la tête dans ma voiture. Et je vais m'y mitaine seulement quand j'ai vraiment froid, tu sais. Ouais, c'est ça. Faudrait que je les mette tout le temps. Puis après, c'est seulement pourquoi il est malade. C'est ça. Puis j'ai des trous entre mes manches. Oh, Mathieu! Ah, ben là! Ça va vraiment pas bien. Je me suis équipé, mais dans le passé. Ouais, c'est ça. Je me rééquipe. Hein? Exactement. Il faut se renouveler des fois dans le temps. Ah, faut un budget pour ça. Je t'ai dit de pas me faire rire. Ah, je m'excuse. Pas pareil, je vais m'étouffer. Je suis désolée. Donc, le vrai le faux dans quelques instants, mais avant ça, voici Terry Lightfoot et Paradise. not a race. We give back what we take. Darling, no, we've got nothing to show for every plan that we've made. It's okay. We can try, try, try. Keep ourselves up. Lightfoot et Paradise. C'est bel et bien ça. Toujours à l'assemblage requis, maintenant on va jouer ensemble un petit peu à le vrai et le faux. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment. Annoncer aux informations, deux ou trois mots à la radio et sur internet, une tempête d'images, un faisceau, le vrai et le faux. Dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai et le faux, c'est le petit quiz d'assemblage requis où on doit deviner, déterminer si une nouvelle est vraie ou fausse. Et c'est Tania qui doit le déterminer, en fait, selon mes questions que je lui pose. Hein? Exactement. On se calcule le score et à la fin, Tania est soit un énorme succès ou un énorme échec. Dépendant, c'est rare que tu es dans le milieu, je trouve. Ça m'arrive assez souvent. Tu trouves? Ouais. Okay. Non? Quand même. Bon, donc commençons par Kim Jong-un. Est-ce que tu as vu passer cette photo-là sur Internet où on le voit en train de lire le nouveau livre de Michael Wolff, Fire and Fury, Inside the Trump White House? Non, je ne l'ai pas vu. T'as pas vu ça? Ben, est-ce que c'est une vraie photo de Kim Jong-un en train de lire ce livre qui n'est pas très, très flatteur pour Donald Trump et l'administration Trump? Donc, le leader nord-coréen, Kim Jong-un, qui lit Fire and Fury. C'est faux. C'est effectivement faux. Yes. Oui, complètement faux. En fait, ça aurait pas été très difficile de l'imaginer en train de lire ça. Je sais pas si... Non, c'est ça, exactement. Il lit très bien l'anglais, j'ai aucune idée. Genre, je sais pas non aucune plus. Faudrait idée. Lui poser la question. Il est en train de lire et de rire sur cette photo-là. Mais non, l'image, en fait, a commencé avec un crop d'une photo qui existait déjà, prise en 2015, montrant le leader dans une usine de Pyongyang. Donc, la photo le montre avec lui, avec les mains sur les hanches, comme un petit look genre « ha ha ha ». Coquin un petit peu, et on a simplement ajouté des mains de façon numérique, photoshopée avec la couverture du livre, mais c'est quand même assez bien fait, je trouve. Oui, quand wow, oui, quand même. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas deux flocons de neige qui sont exactement pareils? On apprend ça au primaire. Oui, c'est ça. Je vais dire que c'est vrai. Une phrase qu'on répète souvent, qu'on pourrait appliquer à plein de choses qui sont plus grandes qu'un seul atome. Ben, c'est comme dire on n'a pas tous les mêmes... Les mêmes empreintes digitales. Fait que je vais conserver ma réponse et c'est vrai. T'as tout à fait raison. Yes! C'est vrai. C'est vrai. Je vais pas être dans les super longs détails. C'est quand même assez compliqué. Mais on se posait la question et c'est tout à fait vrai. Selon le site web de Kenneth G. Librecht, qui est la chaire du département de la physique au California Institute of Technology et très connu aussi comme étant photographe de flocons de neige. Oh! Il nous explique qu'à l'intérieur d'un nuage, il y a de petits changements dans le micro-environnement autour d'un flocon de neige qui va influencer sa forme. C'est à cause de du changement de force que le flocon de neige commence à changer entre deux processus de cristallisation. Vous pouvez aller voir le reste des détails sur assemblagerequis.com, mais c'est donc vrai. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une femme a presque perdu sa jambe après s'être coupée elle-même en se rasant? Hein? C'est un article viral sur l'expérience d'une femme avec une infection de la peau. OK, par infection. Par infection, elle aurait presque perdu sa jambe. Hey, je pense que je vais dire que c'est vrai parce que, mettons, tout dépendant du rasoir et de la rouille qu'il y a sur le rasoir, bon point. Tu peux clairement attraper une infection. Donc, je veux dire qu'il y a une possibilité. Est-ce que c'est elle vraiment? Tu vois, c'est là que j'accroche. Je vais dire vrai et faux. OK, je vais y aller avec une twist. Des fois, quand tu dis vrai, mais que c'est à moitié vrai, je te donne le demi-point. Ouais. Là, t'as dit que c'était et vrai et faux. Et la réponse est vrai et faux. Donc, je te donne un point complet. Yeah! Donc, ce qui est vrai, c'est qu'une femme a vraiment développé une condition de la peau qui a menacé sa vie après s'être coupée en se rasant. Mais ce qui est faux, c'est qu'elle n'est pas tombée malade immédiatement, mais que quelques jours plus tard, et l'article à l'origine qui était sorti n'avait pas vraiment dit tous les facteurs. Ça disait pas non plus que la femme avait un système immunitaire qui était déjà compromis. Donc, c'est passé en avril 2017. Le tabloïd britannique The Daily Mail disait que la femme avait développé une infection de la peau après s'être rasée en 2012. Elle avait 44 ans. Elle vient de Sheffield. Pardon. C'est ça. L'infection qui a commencé avec une coupure très mineure à la peau. Par exemple, pendant un rasage, ce qui a mené à une je sais pas c'est quoi en français, mais necrotizing fasciitis. Fasciitis, mm-hmm. Une fascite nécro... qu'on appelle des fois une bactérie mangeuse de chair. C'est causé par une bactérie qui s'appelle streptocoque en français, le streptococcus coli ou staphylococcus. Mais donc, à la place de consommer la peau en tant que telle, ça relâche une toxine qui peut détruire la peau et les cellules qui l'environnent. Qui l'entoure. Oui. Donc, ça arrive, ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est très rare et c'est ce qui lui est arrivé. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui. Qu'une vache s'est assise sur le capot d'une voiture. Je te montre encore une fois une photo pour les gens qui nous suivent sur internet assemblagerequis.com. Une vache est assise sur une voiture bleu foncé. Je vais dire que c'est faux. Simplement parce que, un, la voiture n'est pas dans un champ. Deux, ça a l'air d'un mauvais Photoshop. Je suis pas en désaccord avec toi que ça n'a pas l'air super bien fait. C'est en effet faux. Yes! En effet. Donc, des fois, il fait froid. Je veux dire que j'ai une moyenne présentement de 100%. T'es quand même pas pire. Donc, des fois, quand il fait froid, les voitures peuvent accueillir des animaux de compagnie, hein, des petits chats qui viennent se réfugier une fois de temps en temps. Cette photo-là est un Photoshop total, mm-hmm. En fait. On nous dit que ça vient d'au moins 2013. Et au départ, ça avait été, c'était comme une blague et ça disait en dessous « Got milk » comme dans « Est-ce que t'as du lait ?» et « The ground is lava » comme dans « Le sol est de la lave » comme quand on est jeune puis qu'on doit éviter le sol, on comprend le principe. Donc, c'est un compte Twitter qui a combiné l'image avec un avertissement qui venait en fait d'ailleurs. Et puis, ça disait, bon, souvenez-vous que plus les journées sont froides, plus les animaux sont attirés par la chaleur des voitures. Donc, vérifiez entre des roues et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, on a pris un message qui était un vrai avertissement et un Photoshop de la vache qui circule depuis 2013. On a fusionné ça ensemble pour donner quelque chose de viral. Comme mon rhume. Pareil. Est-ce que c'est vrai que... On reste dans l'hiver. Je trouve ça va bien. On a des thématiques hivernales aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que la neige, la fausse neige, à l'époque, était fabriquée à partir d'asbestos? On disait que c'était un décor de Noël, mais tu sais, asbestos, le truc poison là, depuis vraiment longtemps. Là. OK, moi, je pensais à la place, genre. Clairement. C'était évident qu'on se demandait si c'était Je pensais que l'asbestos, c'était genre la capitale de la fausse neige. Donc, l'asbestos qui était utilisé pour plein de choses, nous dit-on, avant d'être reconnu comme un cancérigène, carcinogène, ou peu importe comment vous le traduisez en français, il y a plusieurs façons. Est-ce que c'est vrai qu'on utilisait l'asbestos pour faire de la fausse neige? Écoute, je trouve que ça fait quand même du sens d'avoir réalisé que c'était toxique. Alors, on en a fait les changements adéquats. Je veux dire, c'est vrai. Sur la boîte d'asbestos Pure White Fireproof Snow, donc de la neige à l'épreuve du feu, on dit que ça ressemble à de la vraie neige, que c'est la plus propre, la plus blanche et la meilleure fausse neige. Mm-hmm. Et tu as raison, yes! C'est vrai! Donc, en 2017, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à faire circuler cette image d'une boîte très vintage de asbestos Pure White Fireproof Snow. Et c'était au D.O. dans la première moitié du 20e siècle qu'on utilisait ça comme décor de Noël parce que c'était blanc, c'était très fluffy avant qu'on le reconnaisse évidemment pour son très très agressif cancer potentiel, le mésothélioma. C'est selon asbestos.com qui nous raconte cette histoire-là. Et c'est tellement vrai. Le produit était vendu entre la fin des années 40 et le début des années 50. Oui. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'à Paris, il y a des truffes sauvages qui poussent sur un toit, mais on n'a aucune idée pourquoi? Les scientifiques urbains et les foodies de Paris qui sont très excités par rapport à la découverte. Hey, attends, j'ai écouté en plus pas un documentaire, mais une série où c'est des Québécois qui vivent à Paris, puis je pense qu'ils en parlent dedans. Mais justement, dans l'intro de la chronique, ça dit vous l'avez entendu à la télé, à la radio, dans les journaux, mais est-ce que c'est vrai? Ouais. Non, mais c'est parce qu'ils l'ont visité. J'essaie de me rappeler si c'est ça qui est arrivé. Je veux dire que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? C'est bien vrai. Yes! À pas pire, hein? Près de la Tour Eiffel, en fait, c'est les premières truffes sauvages dans la capitale française. Seulement une truffe hivernale de 25 grammes, 0,9 onces. C'est tout ce qu'on a trouvé. Mais les truffes, normalement, sont seulement dans les endroits très limités du sud de l'Europe et sont tellement rares que ça peut se vendre pour des milliers d'euros par kilogramme. Le National Museum of Natural History, qui a confirmé la découverte, a dit que c'est un très bel exemple des avantages, des jardins sur les toits. Mm-hmm. Les jardins environnementaux qu'il y a à Paris et ailleurs. Donc, un chercheur en écologie urbaine, Frédéric Madré, a décrit sur France Info Télévision d'avoir trouvé ce champignon-là. Sous un arbre qui poussait sur l'hôtel Mercure Paris Centre. Une truffe. That truffle. Ouais, c'est ça, a été donné à la science, mais l'hôtel espère déjà pouvoir offrir des truffes plus tard dans ses restaurants, si un jour on peut avoir des truffes sur ses toiles. Hein? S'il y en a une, il peut en avoir d'autres. Hein? En effet. Tu connais le principe du vigilante? Oui. C'est celui qui fait sa propre justice. Exactement. Est-ce que c'est vrai qu'un vigilante, ou peu importe comment tu voudrais appeler ça avec un meilleur mot en français, a été arrêté? En français, c'est pas un vigilantis. C'est possible, j'ai jamais entendu ça. Oh, ouais. Aux émissions de super-héros. Ben, tu m'en apprends, Tommy. Ouais. Bref, est-ce que c'est vrai qu'un vigilantis... Je pense que c'est ça. On dirait un dentiste vigilant, tu fais vraiment attention. Sais, hein? Bref, cet homme-là, est-ce que c'est vrai qu'il aurait été arrêté pour avoir tué 30 pédophiles dans une tuerie en série, Mass Murder Spree? Ce serait au Nebraska. Il aurait confessé donc d'avoir tué plus de 30 personnes pédophiles en 15 ans. Écoute, juste pour la cause, mettons, je vais dire que c'est vrai. Malheureusement, c'est faux. En octobre 2016, l'article de Empire News a été publié. C'est un site de fausses nouvelles, donc pas grand-chose à dire de plus. Je pourrais vous donner les détails, mais ça servirait absolument à rien. C'est parce que j'en connais qui disent qu'ils le feraient. Ouais, je sais, mais de passer à l'acte après ça. Ouais, c'est ça, exactement. Si tu es quelqu'un, même s'il a fait quelque chose de vraiment répréhensible, ouais. Est-ce que tu vas vraiment vouloir finir en prison pour aller... Mais ce qui ne sait pas... Ce qui ne se sait pas. De nos jours, pas mal sûr, ça va se savoir. C'est une blague, Avec le nombre d'émissions de criminalistique, il n'y a rien qui échappe à personne. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai que Michael Jordan a poursuivi une épicerie pour 10 millions de dollars? L'ancienne vedette de la NBA aurait gagné, selon cette nouvelle-là, un prix en 2015 après avoir... pas un prix, mais une récompense. En 2015, après avoir poursuivi la chaîne d'épicerie Dominique pour avoir utilisé son nom dans une publicité sans son accord. OK. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est drôle. On parle de septembre 2009. Ouais. Je veux dire que c'est faux. Mais non, c'est vrai. Oh! Boswell, oui. J'avais une belle moyenne, là. Pas pire, mais tu gâches tout. Le gardien, l'ancien gardien, gardien? Oui. Je sais pas. Des Chicago Bulls, Michael Jordan, considéré par plusieurs comme étant un des meilleurs joueurs de basketball au monde, était parmi une classe de 5 joueurs qui ont été intronisés au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, en même temps que Jerry Sloan, John Stockton, C. Vivian Stringer et David Robinson. Avec cet événement-là, la chaîne d'épicerie Finer Foods... Dominic's Finer Foods, basé à Chicago. C'est une compagnie qui appartient à Safeway Inc. Ils se sont achetés une publicité dans le Sports Illustrated, le magazine, pour féliciter la vedette de la NBA. Sauf qu'évidemment, ils pouvaient pas juste féliciter la vedette. Ouais, non, c'est ça. Il fallait qu'ils mettent un coupon en dessous pour rendre ça le plus genre capitaliste possible et genre bas de gamme. Sérieusement, achète juste la pub en disant genre, tu sais, juste ton logo dans le coin. Oui. Pire, c'est assez. Mais pas un coupon avec un steak dessus. Un coupon de 2$ pour du steak. Ouais, c'est... En tout cas... Je sais pas, ça fait vraiment quittens. J'aime pas ça. Bref, un coupon de 2$, comme j'ai dit, pour Rancher's Reserve Steak chez Dominic's. Bref, il a poursuivi Jordan 10 millions de dollars en dommages pour avoir utilisé son nom dans une publicité très, très capitaliste, comme j'ai dit, sans sa permission. Les deux ne se sont pas rendus à un accord et en septembre 2015, les jurés ont délibéré au civil pendant 6 heures avant de dire que finalement Jordan était gagnant et ils lui ont donné 8,9 millions C'est pas le 10 millions, mais c'est proche. Mais non, mais c'est puis ça. Puis en tant que tel, ça lui a pas vraiment nuit. En tant que tel. Mm-hmm. C'est comme de l'argent gratuit. Mais bon. Bref, il était bien content et bien soulagé. Il a dit qu'il est tellement habitué de jouer dans une autre sorte de cour. C'est le court de basketball, c'est très, très drôle. Bref, vous pouvez aller lire le reste de l'article. Ça a été quand même long, hein? Ça a duré 5 ans, tout ça. Mm-hmm. D'ailleurs, la chaîne Finer Foods, Dominic's Finer Foods, a finalement fermé tous ses magasins d'ici la fin de 2013, 2 ans avant le verdict, avant que le verdict sorte. Donc, ils avaient déjà fermé leurs magasins, puis là, ils ont dû quand même payer 8,9 millions. Pas sûr que ça les ait aidés tant que ça. Mais bon. Ouais. Ensuite... on va arrêter bientôt. Hein. Est-ce que c'est vrai qu'une équipe de sport jeunesse de Washington, ouais, donc la Washington Youth Sports League, joue au soccer, mais sans ballon? Et ils jouent avec quoi? Comment? Ils jouent avec quoi? Ben, en fait, ils jouent avec rien. Parce que ça veut minimiser les effets négatifs de la compétition, tu comprends? C'est faux! À Olympia, à Washington, tu sais, on dit les enfants ont chacun droit à leur prix de participation. Ah, c'est faux, c'est faux, c'est faux, j'espère, c'est faux, Boswell! T'as raison, c'était mon freebie, yes, de la journée, je te le donnais celui-là. J'ai toujours une question facile, c'est complètement faux. C'est un reportage, en fait, de la CBC, c'est vrai, la CBC comme, ouais, dans le pendant anglophone de Radio-Canada. Okay. Sauf que c'est leur émission de nouvelles satiriques This Is That. Oh! Un segment sur l'Ontario Youth Soccer League qui donc évitait les règles à l'utilisation d'un ballon de soccer dans ses parties et ses pratiques pour éliminer l'impression de gagner et de perdre. Donc, pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, c'est vraiment cool. This Is That. On n'a pas vraiment d'équivalent de satire. Non, en effet. En ce moment au Québec, malheureusement. Et un dernier, tiens, okay, celui-là vaut vraiment la peine d'être fait parce que ça passe sur Facebook live en ce moment et avant que ce soit trop tard. Est-ce que c'est vrai que 2018 a un calendrier incroyable? Peut-être as-tu vu sur Facebook passer ça, que en 2018, le 1er janvier était un dimanche, le 2 du 2 un dimanche, le 3 du 3 un dimanche, le 4 du 4, 5 du 5, 6 du 6, 7 du 7, 8 du 8, 9 du 9, 10 du 10, 11 du 11, 12 du 12, tous des dimanches. Est-ce que j'ai le droit de vérifier? Non. Ah! Sur Facebook, t'as ça, les gens partagent ça à outrance. Ben, j'ai pas vu passer ça sur mon Facebook. Ben, voyons donc. Je veux dire que c'est... Hey, attends, là. Que chaque jour qui est le même nombre que le mois tombe un dimanche. T'es sûr? Tu veux pas calculer dans ta tête quelque chose? Je sais pas, là. Ça dit que le 1er janvier, c'était un dimanche. Réfléchis pour commencer si dimanche était un 1er janvier. Déjà, en partant, là, ça, c'est une capacité que j'ai pas. T'as pas ça? Parce que là, on est la semaine présentement du 8 janvier. Ouais. On est la semaine du 8 janvier. Le lundi 8 janvier. La semaine passée, on était la semaine du quoi? La semaine prochaine, c'est la semaine du 15 janvier. Cette semaine, la semaine du 8 janvier. OK, c'est vrai. La semaine... Je t'ai dit, la semaine... Si on était le 8 janvier cette semaine, moins 7, ça fait 1er janvier. C'était un lundi, le 1er janvier. T'as... Ouais. Pas un dimanche. Mais tu sais, moi, pendant le temps des fêtes, j'oublie un petit peu la notion de genre quel jour on c'est est. C'est là, Tania, je m'excuse, mais j'ai été tellement, tellement gentil c'est avec correct, toi que je t'enlève un point. Ben voyons. Sérieusement. C'est de la tricherie, ça. Je t'ai dit qu'on était le 8 janvier lundi, tu enlèves un point. Je suis pas bonne en mathématiques, j'ai pas étudié en maths. Pas de ma faute. Donc, vers la fin de 2017, ce calendrier-là a été partagé, où tous les jours et les mois qui fitaient ensemble partageaient le jour du dimanche. Mais c'est tellement, mais tellement, tellement faux. Juste en regardant le premier. Il est pas gentil avec moi. Ah ouais, mais là, tu t'as couru après ce coup-là, là, quand même. Bref, on dit que, ben, comme plusieurs trucs de calendrier sur Facebook, c'est complètement imprécis et c'est complètement impossible. Donc, ça se peut juste pas. Ça se peut juste pas à cause du nombre de jours dans chaque mois, on se comprend. Mm-hmm. Des fois, c'est 30, des fois, c'est 31, des fois, c'est 28, des fois, c'est 29. Donc, c'est ça. On dit aussi que le 2 février, par exemple, est toujours 32 jours après le 1er janvier. Donc, c'est impossible déjà, dès le départ, que ce soit le cas. Bon, voilà, c'est tout pour les questions. Oui. Et as-tu fait ton score correctement avec ton oui. point enlevé? Comme... Oui, certainement. sur 15 nouvelles, oui. Eh bien, j'ai 6 victoires. Donc, moins de la moitié. Sur 10 nouvelles, excuse, ah, sur 10 pas nouvelles. 15. Sur 10 aussi. Nouvelles, j'ai 6 victoires. Je suis d'accord, 10 nouvelles, ça a plus de sens. C'est une bonne moyenne. T'as combien, 6? Oui. Bon, c'est, tu passes. J'ai 60. T'es juste correct. Tantôt, tu disais que ça arrivait que t'étais juste moyenne? Je te confirme que t'es juste moyenne aujourd'hui. Mais bravo quand c'est même. C'est pas gentil, ça. C'est à cause du point que je t'ai enlevé, sinon t'aurais eu 70%. Je suis pas juste moyenne. T'es pas juste moyenne, t'es extraordinaire. Tout exactement. Le sait. Tout le monde oh le boy, sait. Oh boy. Voilà pour le vrai, le faux. Les liens sont sur les notes de l'émission numéro 1184. J'ai bien aimé ce petit segment-là. On est du plaisir. Ouais, ouais, ouais. Moi, on prend une pause. Au retour, de retour à Tania. Ouh! Ouh, fancy, hein? Mm-hmm. Ben oui, elle est plus que moyenne. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi matin, 11 janvier 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ouais, on se rappelle que dimanche ne sera pas le 8 du 8. Ou n'était pas le 8 du 8. OK, ça va faire, là. Ça va faire. Suffit le couteau d'en plein. Le 1 du 1, le 2 du 2. Dans quelques instants, Tania, tu nous parles d'activité ou de quoi? Oui, certainement. Je vous parle d'activité que vous pouvez faire à l'extérieur parce qu'on a parlé de bien s'habiller. On a parlé de conserver la chaleur dans notre propre corps. Faire attention aux vaches sur vos voitures. Aussi. Alors, j'ai quelques idées d'activités pour vous extérieures. C'est fantastique, ça. Oui, je sais. Dans quelques instants. Le lien que j'ai avec la prochaine pièce, c'est seulement... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais depuis qu'on a cette pièce-là, assez fou, j'ai tout le temps l'impression que ça sonne hivernal ou nordique. OK. C'est la pièce Sibenkas. Sibenkas. On dirait genre, je sais pas, qu'est-ce qui sonne, sais-tu... À Antarctique, Alaska. Ça sonne Alaska, comme ça. Alaska, ouais. OK, ouais, j'avoue. Bref, on écoute Trailer Trash Tracy's tout de suite à Assemblage Requis. Thank you. C'est le Trash Tracy's avec Si Ben Casse. À son lèvre qui, une de mes pièces préférées de 2017, je pense, je l'aime beaucoup. David Ferron nous écrit, ça ressemble un petit peu à Africa de Toto. Mm-hmm. C'est la chanson thème de Voix d'Afrique, jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est vrai. Bref, on était en train de parler en ronde, toi et moi, Tania, de notre très pas du tout ami Logan Paul. Exactement. Une espèce d'énergumène YouTuber qui se passe quelque chose. Qui fait parler, il fait parler la presse. Ouais. Donc, on sait que les influenceurs ont quand même assez beaucoup d'influence, mais on n'en parle jamais vraiment nécessairement dans les gros médias. Et souvent, les influenceurs sont locaux, ça va être des Québécois. Exactement. Là, c'est un Américain. Là, c'est un Américain. On s'entend qu'il avait posté sur YouTube une vidéo montrant un garçon suicidé dans la forêt du suicide au Japon. Mm-hmm. C'est un jeune homme de 22 ans, en fait, il a comme vraiment déclenché une polémique en début janvier. Là, ça s'est passé très, très récemment. C'est à la suite du temps des fêtes, en fait. Et on a mis en scène des images d'un homme qui s'était suicidé par pendaison. On a eu plusieurs réactions de d'autres YouTubers, des gens qu'ils connaissent aussi, qui ont comme eu des réactions de « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Quel manque de respect incroyable. Donc, les images ont été retirées du site quelques heures après la mise en ligne, en fait, du vidéo. Mais selon plusieurs médias, elle avait été préalablement, oui, visionnée par 6 millions de personnes. Plus de 6 millions de fois. Il a quand même gagné 400 000 abonnés à la suite de cette vidéo-là. Donc, c'est un petit peu incroyable, en fait, au terme négatif. Là. C'est pas incroyable. C'est le jugement de façon... des gens, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. T'sais, après, des Eric Salvay, tout le monde qui tripe sur lui puis qui disent « Ah, il est donc bien hot, gars. » Lui, il y a du monde qui le trouve hot pareil, même s'il fait des niaiseries de main. Oui. Dans la vidéo, en fait, moi, j'ai pas vu une vidéo. Ça ne m'intéressait pas. Non, j'ai vu les captures d'écran et c'était assez pour moi. Oui, exactement. Donc, on commentait, en fait, de façon spectaculaire. Le jeune homme pendu, on riait et on plaisantait sur le drame. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont été touchées par cette vidéo-là parce qu'ils connaissaient des gens qui se sont déjà suicidés. Et de toute façon, c'est pas vraiment des jokes à faire. Donc, on avait présenté des excuses du côté de Logan Paul. On avait reconnu aussi avoir un petit peu mal maîtrisé l'influence sur Internet qu'il avait parce qu'on s'entend que l'audience de Logan Paul est quand même assez jeune. Ouais, facilement influençable. Facilement influençable. C'est un jeune homme de 22 ans, donc on touche les adolescents beaucoup plus que les adultes, mais YouTube avait pas décidé de suspendre en fait les projets qu'elle avait en préparation avec Logan Paul parce qu'on s'entend que si tu es un YouTuber du côté des États-Unis, il y a de fortes chances que tu participes à d'autres projets que YouTube travaille, dont des émissions, des films, et c'est un petit peu ce que faisait Logan Paul. En fait, il travaillait à la suite d'un film de Tining qui a été mis en ligne l'an dernier, donc on faisait la suite de ça. On avait des contenus développés spécifiquement, oui, pour la plateforme. Et il y avait aussi une émission diffusée sur YouTube qui est Foursome. Mais aujourd'hui, on a su que YouTube a sanctionné Logan Paul. Donc, il ne fait plus partie de ces projets-là. Et c'est des mesures, en fait, aussi budgétaires, là, en fait, parce qu'on s'entend que les influenceurs, les YouTubers gagnent quand même de l'argent sur Internet. Oui. Ils gagnent 5% des annonceurs les plus vus parmi les contenus YouTube. Et on s'entend que les annonceurs veulent plus être associés à lui. Fait que exactement. YouTube aurait perdu de l'argent s'il avait gardé Logan Paul. Tout à fait. Donc, on a mis en place, en fait, certaines mesures pour avoir un impact sur les revenus que génère présentement Logan Paul par le biais de YouTube. La polémique a affecté le nombre de ses abonnés, mais ça semble avoir affecté quand même assez de façon positive. On a gagné 400 000 abonnés malgré tout ça. Donc, selon plusieurs estimations, en fait, Logan Paul aurait gagné plus de 10 millions de dollars en 2017 avec ses vidéos. Là, YouTube tire la plug. Ouais. Donc, c'est des mesures postées sur son compte Twitter. YouTube a reconnu mardi que les internautes qui s'étaient dit frustrés face au manque de communication de la plateforme avaient raison d'être fâchés. Et la filiale de Google a également indiqué un petit peu plus tôt cette semaine là, qu'on annoncerait prochainement des mesures pour s'assurer qu'une vidéo comme celle-là serait plus jamais jamais mise en ligne sur sa plateforme. Je sais pas si c'est possible avec autant de vidéos postées par jour, si on peut tout lire, tout regarder. Pas sûr. Puis hors onde, ben tu me parlais d'une autre vidéo qui le fait, qui se déroule aussi du côté du Japon. Absolument. Il y a une vidéo sur sa chaîne Logan Paul Vlogs, qui est plus un résumé de ses journées. Tous les vlogueurs font ça. Ouais, exactement. Bon. Bref, c'est une vidéo de comme 16 minutes. Il y a les meilleurs moments de 2 minutes, juste pour vous montrer quel genre de personne est Logan Paul. Évidemment, vous n'avez pas l'image, mais nous en studio, on va se permettre de la regarder et de décrire un petit peu ce qui se passe. Donc, on voit Logan Paul, évidemment, au Japon, dans une foule. Attention pour pas manquer de respect à la culture. Hein? Respect pour le Japon. Et là, il sort déguisé en typiquement stéréotypiquement japonais avec un chapeau en triangle. Faites-vous-en pas pour moi, je suis juste un vlogger. Faites attention à la culture. Et là, il rit des poissons, il rit des gens. Il prend un gros pain, puis il fait niaiser le serveur avec ça. Puis après ça, il va acheter un Game Boy, puis il lance à terre. Puis il s'arrête pas de dire qu'il faut qu'il respecte le Japon. Le jeu fonctionne pas. Il est peut-être brisé. Puis là, il se déguise en Pokémon, puis il lance des Pokéballs sur des voitures. Mais tu sais, personne le connaît, personne le comprend. Il fait juste gosser tout le monde. Bref. Il est gossant. Il se lance sur un char à un moment donné, je pense aussi. Ouais, je pense que oui. Pour ceux qui le savent peut-être pas, Logan Paul, c'est aussi le gars qui avait réussi à faire voyager un nain à l'intérieur d'une valise dans un avion. Moi, je l'avais connu comme ça, en fait, Logan Paul. J'ai un petit peu moins de respect pour lui, maintenant. Non, ben, j'ai jamais eu de respect pour lui. Et comme on disait dans l'émission plus tôt cette semaine, c'est le frère de Jake Paul, celui qui est aussi controversé pour avoir dérangé ses voisins avec ses blagues, farces et attrapes, pranks sur YouTube. Bref, une famille de gens un petit peu... énergumènes, on va dire ça comme ça. Voilà. Bref, Tania? Oui? C'est le moment de retourner à toi, un petit peu? Quelque chose d'un petit peu plus sérieux, j'espère. On va l'espérer. On va sortir plus près de chez nous, donc dans Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Sortie hivernale, j'imagine. Oui. Dehors. Certainement. Toujours. Aujourd'hui, en fait, je vous parle de certaines activités que vous pouvez faire en Mauricie. Et peut-être pas encore à Mauricie, mais qui devraient arriver dans pas long. En fait, j'ai commencé par un petit classique, là. Vous pouvez faire de l'escalade sur glace, sachez-le. On aime ça parce que c'est une activité physique, mais aussi mentale à la fois. Ça donne une bonne dose d'adrénaline aussi. Puis pour s'initier, on fait affaire avec, par exemple, des experts qui vont nous aider à escalader une falaise de glace. Puis on peut y aller du côté d'une petite falaise de glace. Donc si vous êtes en Mauricie, du côté de Trois-Rivières, par exemple, bien, il y a le Mahican qui a juste un mur. Déjà, en partant, ça peut être une bonne façon de voir si vous appréciez cette activité-là. Un starter pack. Exactement. Lancez-vous pas dans les chutes Montmorency sans nécessairement savoir si vous appréciez cette activité. Et sinon, du côté de Shawinigan, dans le secteur Saint-Jean-des-Piles, bien, au Parc national de la Mauricie, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Et là, on parle vraiment d'une falaise de glace là, gelée en entier. Donc, pour les frileux, bien, rendez-vous. Ils ont un tout nouveau centre d'escalade intérieure aussi du côté de Trois-Rivières. Donc, Campus Escalade, si je me souviens bien. Exactement, ça peut déjà vous donner une bonne base aussi. Et ils viennent de lancer les cours. Donc, vous allez pouvoir apprendre à escalader avec des experts du côté de Campus Escalade. Et par la suite, voir si vous appréciez ça sur un mur à l'intérieur. Bien, lancez-vous peut-être cette idée d'aller faire l'activité dehors, tout simplement, parce que ça peut être quelque chose de très, très, très intéressant. Ouais. Sinon, un autre qu'on voit quand même assez souvent ces temps-ci, du moins, moi, je le vois pas mal dans des vidéos, je le vois aussi à la télévision, c'est le fameux Fight Bike. Oui, le Fat Bike. Oui, exactement, les le Fat Bike. Gros pneus de caoutchouc. Littéralement, c'est le vélo à base. ou le vélo gros, le gros vélo. C'est un vélo à pneus surdimensionné, donc c'est un vélo tout-terrain et les pneus sont très larges et ça permet quand même une bonne adhérence sur un terrain qui va être difficile. Ça a été conçu en fait pour la neige, le sable et la boue, donc automatiquement vous avez compris la neige, donc vous pouvez le faire au Québec. C'est un cadre spécifiquement conçu pour faire place justement à des pneus qui sont entre 4 et 5 pouces de largeur. C'est énorme là, comme pneu, honnêtement. Et les pneus peuvent être gonflés à une pression aussi basse que 5 PSI. Je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais ça permet une conduite quand même assez en douceur sur un terrain difficile. Et la pression moyenne qui va être utilisée va varier souvent entre 8 et 10. La basse pression, en fait, va faire en sorte qu'il va avoir une absorption qui va être meilleure. Et dans une certaine mesure, bien, les vibrations et les irrégularités du terrain vont se faire moins sentir de ce côté-là. Donc, si vous n'êtes pas un expert en termes de fat bike, bien, vous allez pouvoir quand même avoir une bonne expérience. Et la majorité de ces vélos-là se passent de suspension. Donc, vous allez altérer le niveau de confort à votre façon. Et c'est une belle façon de faire une activité qu'on ne penserait pas nécessairement. Il y en a plusieurs qui trippent sur le vélo l'été. Mais durant l'hiver, c'est un petit peu plus difficile d'y aller avec nos petits pneus quand même assez étroits. Le fat bike en Mauricie, c'est possible. Sachez-le, il y en a à Saint-Mathieu-du-Parc et c'est 5$ pour une soirée. Oh. C'est des groupes, en fait, vous pouvez y aller comme ça en groupe. J'ai vu ça tout à l'heure sur Facebook parce que j'ai un de mes amis qui a tout simplement refacebooké ça. Et c'est une soirée organisée. Vous pouvez y aller en groupe ou seul, vous joindre au groupe qui y va déjà, puis vous avez une bière d'inclus. Ah, c'est donc, c'est merveilleux. Ah, je vois quelqu'un dans mon quartier qui fait du fat bike chaque matin. C'est cool. Il y en a de plus en plus, je pense. Mais c'est ça qui est le fun. C'est comme un mélange, en fait, d'un vélo, d'un VTT. C'est vraiment particulier. En fait, le premier fat bike a été dessiné par un cycliste français, Jean Nau, en 1980. Et quelques années plus tard, bien, il y a un groupe d'Alaskains, donc en Alaska, qui pratiquait le vélo de montagne, qui a décidé de concevoir un vélo 4 saisons. Puis, simultanément, au Nouveau-Mexique, on a commandé un nouveau modèle de vélo utilisable dans des dunes de sable. Et on a testé pour la première fois en 1999. Il y a différents modèles là, en fait, qui font leur apparition année après année, mais surtout depuis les années 2000, là, ça se voit de plus en plus. Et c'est quand même assez populaire comme discipline. C'est exposé depuis 2010 là, à la grandeur du monde, je vous dirais. C'est sûr qu'avec Internet, ça l'a comme explosé aussi en popularité, mais on a l'organisation d'événements qui se fait à travers plusieurs villes, plusieurs municipalités. Donc, il y a une meilleure réglementation aussi à ce niveau-là. Et le fat bike, bien, ça demeure surtout populaire en Amérique du Nord, surtout durant l'hiver, parce que justement, ça adhère bien à la neige. On a une belle facilité à pouvoir faire du vélo comme ça. Et c'est sûr que ça vient rejoindre une clientèle quand même assez cible. Et si jamais vous en avez jamais fait, mais que vous appréciez quand même le vélo, bien, peut-être que ça peut juste renouer cet amour du vélo-là que vous aviez perdu depuis quelques années. En Mauricie, il y a 7 endroits où vous pouvez essayer le fat bike. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Saint-Mathieu-du-Parc, mais il y a aussi le parc de la rivière Gentilly à Sainte-Marie-de-Blandford. Donc, il y a des pistes qui ont été conçues pour ça. C'est un paradis, en fait, pour les amateurs de vélos de montagne durant l'été. Et là, l'hiver, eh bien, on l'a transformé dans des sentiers d'hiver, justement, pour le fat bike. Sinon, je vais vous en nommer là, quelques-unes à des endroits où vous pouvez aller. Vallée du Parc, du côté de Shawinigan, secteur Grand-Mère, là aussi. On parle de 15 km de vélo que vous pouvez faire avec le fat bike. Il y a la location de vélo aussi, donc il y a des forfaits qui sont disponibles. Vous pouvez avoir un fat bike soit pour 30$ ou 45$ selon la période de temps que vous voulez l'utiliser. Je vous dirais que ça va travailler aussi la même chose que vous travaillez durant l'été avec votre vélo. Donc, de ce côté-là, ça peut garder la mise en forme. Et ici, un petit peu plus près de nous, bien, il y a le parc de l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières qui offre aussi tout ça. Vous allez pouvoir essayer le vélo sur neige à l'île Saint-Quentin. Il y a la location sur place et bien évidemment, il y a plusieurs autres activités, en fait, du côté de l'île Saint-Quentin. Donc, peut-être que vous allez pouvoir tout simplement redécouvrir cette île-là qui a perdu en popularité un petit peu, hein? Faut se le dire. Ouais, dommage. Faut se le dire. Une autre activité, je ne l'ai pas vu passer du côté de la Mauricie encore. Je l'ai vu passer du côté de Montréal. Et j'imagine que si c'est populaire à Montréal, il y a probablement beaucoup de gens qui vont commencer à le faire de façon initiative par eux-mêmes dans des parcs. En fait, c'est le snowga. Le snowga. Qu'est-ce que le snowga? En fait, c'est du yoga dans la neige. Ah, ben oui. Tous ceux qui sont amateurs de détente et de sport extérieur, bien, du côté de Montréal, sachez-le, vous pouvez aller vous relaxer au Parc Laurier et au Parc La Fontaine parce que vous allez pouvoir justement participer à une fin de semaine de yoga dans la neige. C'est la 4e année consécutive que vous allez pouvoir faire ça. L'activité, en fait, va se terminer le 12 mars. Donc, ça se passe où? Ça se passe quand? Eh bien, tous les samedis, vous avez des cours qui se déroulent à partir de 10h30 et ça se fait à tous les 2h. Donc, c'est seulement du côté de Montréal pour le moment. Mais comme je vous dis, je crois pas que ça se fera pas à l'extérieur de la ville de Montréal. J'ai bien l'impression que, de toute façon, si vous appréciez le yoga et vous appréciez passer du temps à l'extérieur, vous pouvez très bien aller faire votre propre yoga à l'extérieur. Ben oui. Il y a personne qui vous en empêche. Donc, vous avez pas besoin de réserver ou de vous inscrire ou de payer si vous voulez aller le faire à Montréal. Sachez que c'est gratuit. Vous pointez là tout simplement avec votre tapis de yoga, avec bien habillé, c'est sûr. Ouais. Et vous allez pouvoir faire du yoga comme ça avec une panoplie de gens qui trippent sur le yoga. C'est moins flexible avec une saute de skidoo. Hein? C'est sûr, ben ça prend des bons équipements, ouais. Encore une fois. Et sinon, camping d'hiver, Mathieu. En Mauricie, on a plusieurs endroits où on peut dormir dehors au cœur des bois. C'est pas quelque chose à laquelle j'avais déjà pensé. C'est pas quelque chose à laquelle qui naturellement je suis attirée. Ton, ouais. J'aime pas avoir froid durant la nuit. Mais sachez que du côté de Grand-Pile, donc l'air nature Grand-Pile, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez justement aller faire dodo dans des camps qui sont déjà prêts, donc une cabane par exemple, un chalet. Mais il y a aussi la possibilité de pouvoir dormir à l'extérieur, c'est-à-dire avec votre tente et faire du camping d'hiver littéralement dans votre sac de couchage et bien que vous emmitoufler, n'oubliez pas de bien vous emmitoufler. Sinon, le Parc national de Mauricie, c'est aussi une place où vous pouvez aller faire du camping d'hiver. Il y a 5 façons en fait de pratiquer le camping d'hiver au Parc national de la Mauricie. Il y a plusieurs endroits, plusieurs sites où vous pouvez le faire, donc c'est très intéressant de ce côté-là. Il y a du hors-piste. Il y a des domaines aussi où vous pouvez tout simplement vous installer. Donc, c'est très intéressant. Comme je vous dis, c'est pas la première activité hivernale que je ferai. Mais je ne dis pas que je ne la ferai jamais. Si tu meurs, je te promets d'envoyer Logan Paul pour couvrir. Non, mon Dieu! T'es si gentil! Merci, Mathieu! Donc, c'est ça. Il y a plusieurs activités à l'extérieur que vous pouvez faire. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de froid. Sachez que ce que ça prend, c'est d'être bien, bien habillé, de conserver la chaleur à l'intérieur. Pas de coton. Pas de coton, la laine, puis ayez du plaisir à l'extérieur. Ah, que c'est bien dit. Merci, Tania. Fait plaisir. Petit bloc hivernal encore une fois, c'est ta thématique de la journée. Vraiment? On prend une pause au retour, on parle du Gala Sport Hommage. Restez là. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Up the words into game. Laura Cogan avec The Light à Sondage Requis sur C'est Fou. On aime ça très calme ce matin. Très, très calme. Meilleur son que ma voix. Ben là, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Tania, on a un invité spécial. Peut-être là, par exemple. Là, peut-être là. Seul. Bon. Ne m'insulte pas, non. Mais non. Je disais donc qu'on a un invité spécial et tu le connais mieux que moi. Oui, certainement. Je le connais mieux que lui, que toi, en fait, parce que... Tu le connais mieux que lui. Ouais, non, connais, c'est ça. Te connais toi. Ouais, exactement. Je le connais mieux que toi, en fait, parce qu'on siège sur le même conseil d'administration. Je parle du Gala Sport Romage Mauricie Desjardins. Et c'est M. André Beauchesne. Bon matin. Bon matin à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Merveilleusement bien, malgré les précipitations ce matin. Si on le voit se frotter les mains, je pense qu'il peut se faire de la chaleur un petit peu. Oui, exactement. André, en fin de semaine, ça va être la 36e édition du Gala Sport Romage Mauricie Desjardins. Mm-hmm. J'aimerais savoir ton implication personnelle. Là, je le sais, moi, mais nos auditeurs le savent pas tous. Le nombre d'années d'implication que tu as? Bien, là, j'en suis à ma 31e année d'implication, ma 11e à titre de président. Donc, c'était à mes débuts radiophoniques. À l'époque, j'ai commencé en 79 à CJTR. Je suis passé en 84 à CHLN. Alors, je vois justement Denis qui réagit parce que là, on recule très, très loin. Denis Baudin qui anime encore sur nos ondes. Oui, oui. Exactement. Retour ce soir. C'est un des mammouths de la radio en Mauricie, Denis Baudin, d'ailleurs. Un mammouth. Oui, exactement. Je pèse mes mots. Alors, ceci étant dit, effectivement, j'étais jeune journaliste. C'est à ce moment-là. Et Claude Mongrain, feu Claude Mongrain, qui était au quotidien Le Nouvelliste, qui m'avait dit, parce que souvent, lorsqu'on arrive dans le journalisme sportif, on carbure bien sûr au sport professionnel. Oui. Mais là, il m'a dit, à un moment donné, ben, je pense, André, il faut que tu penses également au sport amateur. Et c'est à partir de là que j'ai eu le béguin, j'ai eu l'amour du sport amateur. Et depuis ce temps-là, ben on est toujours impliqué avec une magnifique équipe parce qu'on parle d'André Beauchesne, mais il faut également parler de tous les membres du conseil d'administration qui font un travail colossal pour faire en sorte de tenir une soirée tout à fait grandiose samedi prochain au complexe sportif Alphonse Desjardins. Mais justement, pour ceux qui connaissent peut-être pas c'est quoi le Gala Sport Hommage, c'est quoi la mission de ce conseil d'administration-là? Tu parles de sport amateur. Elle est où la limite? C'est quoi? Ça fait quoi? Ça mange quoi l'hiver? Bien, en fait, je vous dirais que Sport Hommage Mauricie, c'est principalement le sport amateur. C'est-à-dire que, évidemment, on s'entend que les athlètes de niveau canadien international souvent sont cardés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des sommes de la part des fédérations. Mais ceci étant dit, on couvre évidemment le sport amateur. C'est sûr qu'on fait également des clins d'œil, comme par exemple, nous allons faire un clin d'œil samedi au 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey d'Éric Forlatte. Nous allons parler de l'exploit est-ce qu'on peut dire inhumain? Des 7 marathons sur 7 continents en 7 jours de Patrick Charlebois. Comment tu fais ça? Franchement, ce fut un exploit hors du commun. C'est clairement des quadruplés sans qu'on sache. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais évidemment, lorsqu'on parle de sport amateur, on parle de nos athlètes de niveau québécois, national, international, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais chez nous, là, on a des champions du monde. On a des champions canadiens et on a également des champions québécois, sans oublier, bien sûr, les bénévoles qui sont sur le terrain, les officiels qui, pour la plupart du temps, se font huer, mais pour l'une des rares fois, sont applaudis lors d'une soirée. C'est ça pendant que ça passe. Oui, profitez-en, effectivement. Et également les événements. Donc, on fait tout le tour de la communauté sportive mauricienne. Et puis, l'année dernière, c'était la 35e édition. Cette année, ce sera la 36e. Mais l'année dernière, quand même, on a donné un coup d'envoi à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui prend de l'ampleur en Mauricie. Bien, Sport Hommage, on a dépassé depuis quelques années les cadres d'une simple soirée. Parce que pendant des décennies, on remettait des trophées, on remettait également des bourses. Mais là, maintenant, on a dépassé les cadres. C'est-à-dire que, avec l'aide du Collège La Flèche, nous remettons une bourse d'études à un étudiant. depuis hier, c'est oui. tout chaud. Ben oui, alors, exactement. Sport Hommage Mauricie a paraffé une entente avec la Corporation du sport interuniversitaire, donc ici même à l'UQTR. Une belle entente. Donc, il y a un étudiant ou une étudiante athlète qui n'est pas dans le programme Patriote okay. mm-hmm. et qui va recevoir une bourse de 1 000 $. Donc, on l'appelle la bourse Sport Hommage, également la bourse l'UQTR. Mais justement, l'UQTR, parce que, bon, on est situé sur le terrain de l'UQTR, mais il y a des athlètes qui performent de façon amateur dans certains sports. Ici, on n'est pas reconnu comme étant des professionnels. Voilà. Et il y en a plusieurs qui se retrouvent en nomination depuis des années, là, déjà. Oui, bien, il y a plusieurs athlètes universitaires qui sont passés là, parmi les mises en candidature. Et on en a, bien sûr, des équipes qui sont en Mauricie parce mm-hmm. que parmi les critères, il y en a deux. Premièrement, si vous évoluez avec une formation mauricienne et ou vous êtes natif de la Mauricie. Donc, on peut avoir une nageuse qui est, par exemple, avec l'équipe du Rouge et Or de l'Université Laval, mais elle est trifluvienne. Exactement. Alors, c'est considéré parmi le jury de sélection. Et parmi les ajouts, avant qu'on aille plus loin, ouais. Tania, il ne faut pas oublier notre club des ambassadeurs. Ben, c'est justement là où je voulais t'amener, parce qu'il y a des nouveautés, là, malgré tout, cette oui, année. Ben oui, on va jouer au Père Noël, le club des ambassadeurs, qui va remettre une première bourse dans une catégorie sport hommage. Mais qui plus est, à la discrétion de ce comité, ben on va remettre 2 000 $ à des athlètes que nous avons ciblés de façon particulière et que l'on considère comme des athlètes ayant un potentiel. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. Et depuis aussi quelques années, on innove le gala. Mm-hmm. On le rend de plus en plus gros. Ça devient voilà. quelque chose quand même de très important pour les mm-hmm. athlètes. On a un tapis rouge aussi oui, depuis ben quelques oui. années. Ben oui, c'est un tapis rouge question de... C'est notre hors d'œuvre, si mm-hmm. vous voulez. Alors, vous arrivez avec une entrée hollywoodienne. Herbie Moreau est là. C'est ça, exactement. Ouais. Ben, elle s'appelle Tania Baudin mais, à ce moment-là. Surtout, mais surtout Tania Baudin. C'est surtout ça. Alors, Tania qui va faire des entrevues sur le tapis rouge. Alors, c'est bien sûr un moment croustillant. Et il va y avoir, bien sûr, de nombreuses personnalités du jet-set sportif mauricien mm-hmm, qui en sont effet. Sur place. Mais c'est une magnifique soirée et c'est souvent là qu'on découvre tout le talent qu'on a chez nous en Mauricie qui est tout à fait exceptionnel. C'est une belle soirée. Il y a plusieurs moments magiques, dont bien sûr nos deux coups de cœur qui, encore une fois, je suis sûr qu'ils vont faire lever de leur siège. Ah oui. On attend 550 convives, alors j'ai l'impression que tout le monde sera debout pour les acclamer. Deux jeunes, deux belles sources d'inspiration. Bien, en terminant, André, le gala Sport Hommage Mauricie Desjardins, c'est un gala qui regroupe la Mauricie au grand complet. Mm-hmm. Cette année, c'est au Centre sportif Alphonse Desjardins. Mm-hmm. L'année dernière, c'était à Shawinigan. On se lance la balle comme ça entre endroits. Pourquoi? Bien, c'est à la demande de Desjardins, qui est notre partenaire principal, d'avoir une alternance entre la Mauricie et le Centre Mauricie. Pourquoi? Bien, c'est que la cagnotte de Desjardins provient des différentes institutions de la Mauricie, mm-hmm. du Centre Mauricie également. Alors, les dirigeants des caisses du Centre Mauricie, d'un petit peu partout, de Saint-Étienne, je ne fais pas le tour de tous les, mm-hmm. toutes les municipalités, mais tout ça pour vous dire, c'est une grande cagnotte régionale et je crois que c'est une excellente idée de faire l'alternance entre le Centre Mauricie, c'est-à-dire Espace Shawinigan de la Cité d'énergie, et également le complexe sportif Alphonse Desjardins à Trois-Rivières. Bien, merci beaucoup. Ça se passe samedi soir du côté du Cap de la Madeleine, comme on le disait, au Centre oui. sportif Alphonse Desjardins. Le numéro? Le numéro, le 36e, tu parles? Oui, non, le numéro de téléphone pour réserver des billets. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Hey, c'est sûr que toi, tu le sais par cœur. Hein? Oui, je le sais par cœur. Le 555. C'était justement ma dernière question. En fait, est-ce que n'importe qui peut se rendre au gala Sport Hommage Mauricie, même si on n'a pas un lien quelconque avec un athlète? Est-ce que si on est un amateur de sport, on peut décider de se payer cette soirée-là, cette fin de semaine? Je vous dirais, c'est la place pour rencontrer le jet-set sportif. Je vais vous donner un exemple. Jean-Guy Talbot, qui est notre co-président d'honneur, oui. Il a juste 7 coupes Stanley à son actif. Rien que ça. Juste alors, moi, j'ai l'impression de notre vivant, chers amis, nous ne verrons plus ça. Ouais. Non. Alors, de voir un détenteur de 7 coupes Stanley, et qui plus est, c'est un trifluvien, mm-hmm. alors d'aller lui serrer la pince, il va être très content de vous parler de ses expériences, entre autres avec Maurice Richard, parce que c'est l'un des rares oui. à avoir évolué avec le Rocket, avec Henri Richard. Alors, c'est des gens qui carburent au sport. Donc, tous les sportifs, même les amateurs de salon, sont invités. Le numéro de téléphone à composer? Le 819-539-3030. Ah, exactement. Par cœur. C'est juste une laissée de tonne. Merci. Fallait que je m'en souvienne, évidemment. À titre de membre du conseil d'administration, c'est un incontournable. Exactement. Tu n'as pas l'écrit sur ta main? Hein? Non, pas encore. Je l'ai écrit sur le cœur. Ah, c'est bien dit. Merci beaucoup, André. Bienvenue à vous deux. On parle quand même d'une soirée où on remet 22 trophées dans 22 catégories différentes et 4 intronisés au temple de la renommée sportive de la Mauricie. Et cette année, un record de plus de 15 000 $ en bourse sera distribué parmi les athlètes. Exactement. T'sais, on pense souvent aussi qu'un 1 000 en termes de bourse, ça ne change pas grand-chose dans une carrière d'un athlète. Ça change beaucoup. Oui. Et c'est pourquoi le gala gagne en ampleur comme ça, année après année. C'est qu'on est reconnaissant en tant qu'athlète de recevoir ces bourses-là, mais on est aussi reconnaissant de pouvoir les donner à nos athlètes de la Mauricie. Et grande particularité, juste avant de terminer, c'est que tous les nominés Les nommés, reçoivent une bourse. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas nécessairement le lauréat de la catégorie. Non, exactement. Mais tous les nommés qui reçoivent une bourse. Fort. On ne peut pas demander mieux. On peut juste pas demander mieux. Et si ça vous intéresse, eh bien, c'était le 819-539-3030 pour réserver vos billets. Maintenant, elle sait le numéro. Je le sais. Elle n'est même plus d'écrit sur mon ordinateur. André, merci énormément. Bienvenue. Et si jamais tu veux refaire de la radio pour le fun. Ouais. C'est fou et là. Tu nous appelles, tu sais. Ah oui. Ben justement, oui. Parlant de faire de la radio, n'importe qui peut en faire, même Denis Baudin. Qui anime très blues, c'est fou. Allez, bonsoir. Salut. Ça va? Salut, ça va bien. Très heureux de te revoir. Le mammouth de la radio. Le mammouth. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en décembre pour notre gros potluck qui est une grosse pointe d'adresse. Donc, t'as pas fait de radio depuis le 21 décembre. Et non, et. T'as senti rouillé? Je me sens pas rouillé du tout. J'ai écouté quand même beaucoup de musique, tu sais. Ouais, mais, La particularité, c'est que je sais pas ce qui va m'arriver ce soir. Comment ça, non? Oh, très bien, c'est fou, parce que c'est pas moi qui ai monté l'émission. Mais c'est ton émission, c'est une animé émission par Denis Baudin. Préparée par Steven Hubert. Ah, okay. Complètement préparée. Il y a un moment donné dans la saison où moi, j'étais en voyage à l'extérieur du pays. Steven avait préparé une émission complète. Et, ils n'ont pas pu la faire, finalement. Ils n'ont pas pu la faire. On a eu des problèmes techniques de ressources humaines. C'est ça. Et on va reprendre cette émission-là, mais elle est sera en direct, là, on n'est pas... Ah ouais, okay. pas une en direct, comme ce soir, là, comme à 19h. Comme ce soir, de 19 à 22h, très blues, assez fou, une émission particulièrement à saveur anglaise, du blues anglais, avec quelques-uns des coups de cœur américains de Steven Hubert. Lise Bourgeois sera là aussi pour participer à l'émission, une émission qui est mise en onde et réalisée par l'ami Patrick Boucher. Ça va être Very Blues, Much C'est Fou. Et c'est presque tout du monde qu'on va retrouver au Gala Sport. C'est vrai. Pur hasard. Il y a du tout dans tout. Alors, le Mammouth invite André dans une de nos émissions de Très Blues assez fou sous peu. C'est au mois de mars, le plus beau mois de l'année. Bon. Au mois de mars, parce qu'André est très occupé avant ça. Mais au mois de mars, André va venir nous parler de ses coups de cœur blues. Moi, je l'ai suggéré tantôt, puis c'est déjà fait. On va commencer. On va l'intégrer comme un petit nouveau. On va lui montrer comment ça fonctionne. Puis... comme s'il n'avait jamais fait de radio de sa vie. Merci de nous avoir reçus ce matin. Ce soir, jeudi à 19h, et ça repart les dimanches. De midi à 15h. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Messieurs. Bonne fin de journée. André Beauchesne. Denis Baudin. Tantôt, on va passer de sport hommage à porc et fromage, je sais pas si c'est porc. Ah ouais, peut-être. On ne sait pas encore parce que. Je travaillais avec Mathieu. Le gala porc fromage, ça n'existe pas, ça? Ben, on ne sait pas. On peut le créer. On va le savoir. On va découvrir le nouveau menu. Oh! Incroyable. Mais avant ça, on écoute Canaille. Je ne sais pas s'il va y avoir de la canaille brûlée, justement, peut-être aujourd'hui. Voici, je suis brûlé. Assemblage. Don't check nos peut regarder qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine. En caleçon calé comme des colons, pas de colonne, l'ex, l'autre colonne. On impressionne personne, on se donne dans pas l'angle. On écoute fort avec la besogne. Mais pas de plus, pis j'te cogne. J'ai brûlé jusqu'au bout, brûlé jusqu'au bout. Non, pas, je suis trop content. Je suis brûlé, coup d'à côté, qu'est-ce qu'on fait donc? À qui quitte canada, kimono, c'est pas ta coup de bâton. Batté en kilos, zéro, cabané dans la salon, quel aurait on? On avance en reculant, on s'assoit dans nos vitons, puis putain et des pitons. Pokémon, pas ça, Pokémon, nos souvenirs, des cassettes, de souvenirs, nos souffrir, qu'à son du pigé, des manettes, y'a du taux, y'a du stars, quand t'es un corbillard, pour décoller du vélo! J'ai brûlé jusqu'au genou. Brûlé. Complètement brûlé. Complètement. Mais la bonne affaire, c'est qu'il reste juste là. Oui. Après ça, c'est fini pour la semaine. That's it. Après ça, je vais me coucher. Oui, en effet. Donc, toujours à Assemblage Requis, maintenant, on accueille Marilyn Doyon, qui est la chef de la chasse-galerie, celle qu'on appelle la Cordoyon Bleu. Mais ça, c'est juste moi. Oui. Ça n'a pas encore pogné comme expression. Non, pas encore. Malheureusement. Bonjour. Bonjour. T'es là pour nous parler du nouveau menu. Oui. De la chasse-galerie qui a commencé lundi dernier, le 8 janvier. Et voilà. Et voilà. Menu qui comprend des trucs qu'on connaît. Et des trucs qu'on ne connaît pas. Et voilà. Encore. Commençons par les retours, je pense. Hein? Oui. Les retours. Oui. Il y a le croque-monsieur qui est évidemment toujours là. T'as essayé de l'enlever. Ça n'arrivera jamais, je pense. Ça peut plus, là. C'est un classique. C'est toujours là. Les gens le demandaient chaque impossible jour. Impossible maintenant. Non. Le classique est instauré, c'est je ça. Ne peux plus. Donc, croque-monsieur, mac and cheese qui est toujours là. Il y a le pokeball thon rouge. Il y a le pokeball saumon. Oui, qui est de retour. On l'avait vu, oui. Il y a aussi poulet barbecue qui revient. On attend nos pains, puis c'est reparti c'est pour le poulet barbecue. Pain, bon. Oui. Des fois, tu remplaces quelques ingrédients. Des fois, si le pain, tu l'as pas, tu mets un autre pain. Mais là, tu peux pas faire ça pour le barbecue? Non, parce que dans le fond, ça va être les pains du panetier. Ah, oui. Mm-hmm. Donc, beaucoup plus consistant et on veut que ça remplisse, meilleur. Ce repas-là. Et voilà. Ça, ben oui. Ça va beaucoup plus remplir. Puis vegan thai qui est encore là. Tout le monde aime le vegan thai. Ouais. Donc, je pense que la moitié, peut-être, je dirais, peut-être un petit peu... Moi, pas mal la moitié du menu est de retour. À peu près la moitié, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a la moitié de nouveaux stocks qu'on n'a jamais goûté ben avant. Oui, et voilà. À partir de là. Parce que c'est un gros menu, oui. Là. Oui. Oui, c'est un menu de 12. Il est rendu 8,5-14, là, à la place de 8,5 par 11. C'est incroyable. Hein? Pour vrai, je pense que c'est ça, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Les nouveaux... pâte au pesto. Ah! Oh! Pesto. Pâte au saucisse. Attends un peu, décris-nous ce qu'il y a dedans. Là. Ouais, ouais, pâte ouais. Au pesto, hey, pâte au pesto. Excusez-moi. Tout le monde fait faire ben ça. Comme... Pas que tu mets du beurre puis du pesto en pot. Non, non, c'est pas ça. Là. T'as quelque chose de plus sophistiqué. Là. Oui, en fait, c'est une sauce crémeuse au vin blanc, parmesan, puis pesto. Oh, miam, miam, miam, miam. C'est quelle sorte de pâte? C'est des penne. Penne. Ça se mange bien. Ça reste, la sauce reste prise dans le tube. C'est ça. Tu manges, ça fait... C'est vrai. Voilà, le bruit, là, ça devait être... C'était merveilleux. Et dans le même domaine, t'as ceux à la saucisse, t'as dit. Oui, saucisse italienne. Okay. Un peu style sauce spaghetti, mais oui. Version italienne. C'est ce que j'ai trouvé. C'est très... Il y a un petit piquant dedans, c'est le fun. J'aime ça. Et voilà. J'ai goûté celui-là. C'est le seul que j'ai goûté encore. Jusqu'à maintenant. Ouais, je sais. Je suis parti tôt, je suis malade. Puis, il y a aussi le pokeball végétarien. Oh! Mais je te dirais qu'il est pas mal plus vegan. OK. C'est techniquement, ceux qui sont vegan peuvent en manger. Et voilà, même la sauce est vegan, spécialement pour ceux-là. Quelle sorte de sauce, c'est fait comment? C'est la même chose, mais vegan. OK. Et voilà. Génial. Puis ensuite, il y a la salade rosée que Tania a dégustée. Oui, appréciée. Aux petites fèves roses. Oh my Lord! Elle a dit, meilleure salade que tu as mangée à date en chasse, c'est ça? Oui, exactement. Puis j'avais vraiment trippé sur celle d'automne. La, avec la crêpe croustillante, là? Celle qui avait des pacanes et une petite sauce chai. Oh. Ah oui, oui. Ça fait longtemps. Ouais. On recule, là, ça ne rejoint pas, ça. Là. Mais écoute, celle-là, là, je pense qu'elle vient de la détrôner. Ah oui. Ah oui? Ouais. Ben tant mieux, parce qu'elle est là, là. C'est excellent. Elle est pour rester. Et voilà. Pas nécessairement. Au revoir. Faut que tu sois amateur de betteraves, mais je suis amatrice de betteraves, fait que, tu sais... Hey, c'est vraiment bon. Tu sais, les betteraves sont genre en tranches quand même assez minces, les betteraves que tu mets là-dedans. Oui. Tania les redivise en quatre, genre. C'est vraiment des mini betteraves. Est-ce que les tu petits carrés, là? Ouais. T'es redécoupes. Ben, ça dépend lesquels, là. C'est ceux qui sont tout le tour de la Ouais. OK. Pas les dedans, j'étais là, tabarouette, hein. Veux-tu, elle? Ouais, non, pas ceux-là, là. OK. Ça, je me. Quand même. Je te juge pas, je trouve on ça. On va se garder une petite gêne. C'est cute. Comment? Ouais, OK, merci. C'est cute. Elle mange sûrement ses... J'en voulais assez pour les épinards. Est-ce que tu manges des petits pois verts un à la fois? Non? Quasiment. Hein? Ça dépend. Thank you. Donc, la salade, oui. C'est du couscous Jérusalem. Donc, un couscous qui est fait beaucoup plus gros qu'un couscous régulier. Puis, le couscous est cuit dans le jus de betterave. Mm-hmm. Donc, ça lui donne une couleur rosée avec un petit goût léger de betterave. Oh. On rajoute fromage de chèvre, des noix concassées, puis une vinaigrette maison, balsamique. Mm-hmm. Puis c'est ça. Là. Wow! Okay, c'est vraiment délicieux. C'est pas mal temps. Il y a aussi le sauté indien. Ouais. Puis la sauce de ripaille et bonbons. Okay. De comment et de quoi? De ripaille et bonbons. Okay. Oui, en effet, c'est trouvable dans mon garde-manger. En fait, c'est une compagnie qui sont partis en voyage en Inde puis qui ont découvert la bouffe de là-bas. Okay. Ah, c'est pas la... Je pensais que c'était des sortes de nourriture. C'est le nom d'un commerce. Ouais, moi, c'est le nom d'un commerce. OK, parce qu'on voulait pas rire de notre... Je pensais que c'était les ingrédients. C'est ça, moi aussi. Non, ripaille et bonbons. On a l'air de rire de la compagnie. On s'excuse. C'est pas ça non, du tout. Pas de problème. Donc, c'est ça. Ils ont voyagé en Inde, ils ont trippé puis ils ont ramené au Québec avec des recettes incroyables, puis ils font aussi des pâtisseries croissants, puis tout. C'est les ceux qu'on a les lundis dans le fond. Ah oui! C'est eux! Et les voilà! Brioches, j'adore ces brioches. Oui. Puis, pour. Oui, c'est ça, sauté indien, donc c'est leur sauce, mais il y a aussi des légumes qu'on vient faire griller avec que des vermicelles. Oh, c'est intéressant, ça. Ouais, très intéressant. Oh, j'avoue. Ça donne vraiment faim, en fait. Ouais, vraiment. Je voulais essayer le sauté indien, mais il n'y en avait mais plus. Mais là, il est là. J'ai reçu ma commande hier, j'en ai 100. Parce qu'on pourrait encore que je ne mange pas à Chasse-Garry, parce que je suis encore malade. Ouais. On va voir. Bref, peu importe. Mais ça a l'air bon. Mais de toute façon, est-ce que tu avais fini sur ce qu'il y a de nouveau? Oui, ben, tous les nouveaux sont sortis, puis tous les anciens sont dits. Génial. Non, tu avais oublié le burger de saucisse, mais c'est pas grave. Ah, burger de saucisse. C'est vrai. Bon, grosse boulette de saucisse. Ouais, c'est ça. Donc, parle-nous du mot de la nouvelle façon de fonctionner. Là. Je me rappelle qu'on avait parlé un petit peu de ça en décembre, je crois. À quelle fréquence va changer le menu? Comment ça se passe pour le reste de l'hiver? Présentement, moi, je te dirais que c'est le menu fixe Chasse-Galerie. Mais tu sais, souvent, Jonathan, le boss, vient me voir et fait comme « Hey, on pourrait faire ça ». Ah ouais? Fait que tu sais, j'ai toujours des petites surprises une fois de temps en temps. Mais si dit « On pourrait faire ça », est-ce que ça va rajouter à la liste ou tu vas enlever quelque chose, sacrifier un enfant? Je sais que ça, c'est le menu hiver 2018. OK. Peut-être que ça va changer la future session, mais pour l'instant, c'est ça le menu. Cool. Ben, on a l'embarras du choix. Et voilà. C'est quasiment gênant. T'arrives à la caisse, puis tu fais comme... mettons, arrive pas avec ton lunch de Sodexo. Mettons, de la cafétéria, mettons, en groupe de comme 15 personnes, en plein centre de la Chasse-Galerie. On vise pas personne. Jonathan, sus mentionné, les regardait avec un petit regard comme... Ah ouais. Merci pour vos cabarets, gang. OK. C'est un peu, tu sais, je veux dire, est-ce que t'arrives dans un restaurant avec la bouffe d'un autre restaurant? Non. Mais ici, c'est différent. C'est l'université. Ouais, ton lunch, ça va, mais la cafétéria, mange la cafétéria. Non? Ben, si t'es un groupe, tu sais, ça se peut que tu te relies là ou... Peut-être. C'est la chasse. La cafétéria, t'as pas de bière. Fait que ça se peut que t'amènes ton cabaret, tu veux le boire un verre avec tes amis. Moi, j'ai jamais vu ça, je pense. Non? Mais ça arrive. De ma carrière. C'est rare. Ouais. Très rare. Il y avait un gars qui a pris quelque chose à la chasse. On dirait que c'était comme pour rendre ça comme respectueux. C'était comme le... l'anti-Logan Paul. C'est peut-être lui qui les lidait, tu sais, c'est peut-être tous des nouveaux étudiants. Peut-être. En tout cas. Bref, ça pour dire qu'il y a ça, il y a le 5 à 7 qui continue aussi. Oui, oui. Qu'est-ce que tu offres dans 5 à 7 en ce moment? 5 à 7, c'est les nachos avec les pita guacamole. Miam, miam. Et on rappelle l'horaire des menus qui est plus long qu'avant. Ça change-tu, là? C'est... Non, non, ça reste de 11h à 19h30. Exactement. C'est un méchant chiffre, ça. Oui, oui, mais je suis pas là tout le long. Moi, c'est ça, vous relayez, là. Vous êtes une bonne équipe maintenant. Oui, maintenant, oui. On est 4 présentement. Oui, et j'ai vu que c'est plus vous qui allez porter les trucs aux tables. Je sais pas si ça a changé de façon permanente. Ça a changé, oui, c'est vrai. Dans le fond, on a une belle petite sonnette, puis on sonne la cloche. Parce qu'on s'entend que ça te défait un beat de cuisine quand il faut que tu ailles arrêter tout ça, puis aller porter ça. Hein? Ben, mettons que ça changeait le mood, là. Tu pars sur ton beat de roche, puis finalement, t'es pogné à aller porter des assiettes. Là. À parler à des gens, leur demander comment c'est bon. Ah, ça me dérange pas. Ça me ça me fait plaisir. Allô! Ah, mais c'est génial. On apprécie énormément ta présence à la chasse gare et à notre émission. Ben merci. Vraiment. Puis il y a un autre point, les prix ont changé. Oui, un peu augmenté. Puis certains sont un peu plus chers, mais ça va de 6,25 à 5,75. C'est ça, ben là le contraire. Mais... On parle d'une augmentation genre de 50 cents. C'est ça. Maximum. Fait que c'est vraiment minime. C'est ça. Et chaque plat a un prix différent de l'autre nécessairement, donc des fois ça se peut qu'il y ait une petite confusion. Hein, le... Ouais, ben je te dirais, c'est le burger de saucisse. Puis les pokeballs qui sont 6,25. Ouais. Sinon, le reste, c'est 5,75. Ça reste extrêmement abordable, on va se le dire. Exactement. Et voilà. Pour de très bonnes portions, by the way. C'est vrai. Il faut se le dire. C'est vrai. Comme dirait Marilyn sur Twitter, sur Instagram, c'est bon dans la gueule. Ouais. C'est bon dans la gueule, et voilà. Exactement. Bon dans la gueule, on n'aurait pas pu mieux dire. C'est mon hashtag préféré. C'est bon dans la gueule. Marilyn Doyon, merci. Et ça veut dire qu'on pourra pas te recevoir bien souvent si ton menu change pas. J'imagine que c'est pour ça que tu l'as fait, t'es allé de nous voir. Hein? Non, non, mais on verra. Comme je dis, souvent, Jonathan vient me revoir avec des petites demandes spéciales. Fait que on verra. On verra. Est-ce que les... J'ai oublié de te demander. Je m'excuse, on va te dire bye comme beaucoup trop souvent. est-ce que les sushis... Non? C'est terminé. Oh! Dommage. Mais il y en a pour ceux qui veulent faire les petits buffets, là. C'est genre, en traiteur, il y en a. En traiteur, oui, le service traiteur, oui. Ça, en fait, c'est à la demande ou ben moi, je m'amuse, puis l'inspiration vient, là. T'as l'air de ça, quelqu'un qui s'amuse. Et voilà. Ouais. Good. Ça, l'important. Hey. Fait que là, est-ce que je dis merci ou on garde comme l'opportunité de d'autres questions? T'as-tu d'autres questions? Non. Non? Moi, j'aurais tendance à dire comme merci, Marilyn Doyon. Ben, de rien. Merci. Ça fait plaisir. Et à bientôt. À tantôt. Ben, pas lui, là, il est malade, puis il veut pas manger. Ça se peut-tu, hein? C'est ça? Je veux pas... Est-ce que je goûte pas tant? Tu sais, pourquoi aller manger quelque chose de bon si je suis pas pour le goûter tant que ça? C'est vrai. Fait qu'on se reprend la semaine prochaine. Exactement. Merci. De rien. Marilyn Doyon, chef de la chasse galerie. Voilà. Alors, on prend une pause. Au retour, une grosse pointe d'adresse. On va bruncher ensemble. On va déjeuner. Je dirais, ça dépend. Il y a des gens qui vont le prendre comme du déjeuner. Donc, pour brunch, moi, je dirais brunch. OK. On va voir. Puis on a des déjeuners aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais merci. burrito matin, chasse matin, chasse matin, vegan truc, LT. On va ça. Les trois ont été testés par l'équipe du matin. C'est incroyable. On aime tout. On aime tout. Vous avez l'option bacon vegan, by the way. Aussi. C'est Tania en profite souvent. Ouais, vraiment. Bon, là c'est vrai. Bye. Ok, bye. On vient. FM 89.1 FM. anywhere before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if you know. I wanna have control. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. C'est évidemment Radiohead avec Creep. Assemblage requis, la grosse controverse autour de peu importe la chanteuse qui a peut-être copié, on s'en fout, peut-être. C'est pas pour ça. Là, en fait, la raison pour laquelle j'ai joué Radiohead avec Creep va être expliquée dans quelques instants dans la chronique. Okay. Une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit gardé dans mon tiroir pendant quelques temps, que j'ai acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur, quelque chose de malsain, quelque chose qu'on ne devrait pas approcher, mais en même temps, qu'on aime tellement manger, parce que c'est bon, hein? Des fois c'est manger, des fois c'est boire, ça dépend du moment. J'ai donné comme indice qu'on allait bruncher ou déjeuner ensemble, dépendant des gens. Il y en a qui vont manger ça pour déjeuner, d'autres qui vont manger ça pour dîner. Ouais. J'ai plutôt dans la chronique, son petit palmarès, parlé de sirop d'érable. Oui, c'est j'ai vrai. Parlé de produits congelés. Ouais. C'est pas congelé dans ce cas-ci. Ok, mais on parce pourrait... que j'allais dire, ben là, Mathieu. On pourrait mettre du sirop d'érable. Ok. On pourrait mettre probablement du chocolat à tartiner, noisette. Mm-hmm. On pourrait mettre probablement de la cassonade. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que ça pourrait être? Gaufre. Non, mais proche. crêpe. Crêpe. Oh. Est-ce que tu comprends maintenant la référence avec Radiohead et la chanson ouais. Creep? Creep, crêpe. Crêpe. C'était ça. Je la comprends bien. C'était ça. Fallait vraiment l'expliquer. Par oui, c'est ça. Bref, j'ai apporté des crêpes. Oh. C'est bizarre, c'est des crêpes qui sont température pièce hein? à l'épicerie. Je comprenais pas moi non plus, j'ai vu ça, j'ai, c'était juste à côté des gaufres en emballage unique, comme ouais. sérieusement, une gaufre, une gaufre. Gaufre emballage unique. Tu vas acheter une gaufre. Ben, ouais. Ouais, mais achète-en 6 puis qu'on gèle. Ben en fait, j'achète pas de gaufres, je les fais. Oui, bon, c'est sûr que c'est sûrement mieux comme ça. J'ai un gaufrier, ouais. donc. T'es un gaufrier! Oui! C'est pas un gars dans un tablier qui fait des gaufres, c'est la machine, ok? C'est ça. Bref, quand j'ai vu ça à côté des gaufres à emballage unique, je me suis dit, Colin, c'est intéressant, ça s'appelle Baker Tea. OK. B-A-K-E-R-T-Y. Leur slogan est Happy Go Snacky. OK. C'est excellent. Hein? Happy ben Go oui. Lucky, mais après, c'est snacky, c'est incroyable. Il y en avait au chocolat. Par contre, je me suis dit, ça allait goûter le classique crêpe au chocolat. Ouais. Je l'ai pris aux fraises. Oh, merveilleux. Strawberry Filled Crepes. I'm a crepe. Wouh! Ça dit donc que c'est fait avec des œufs bien ronds. Oui. Du vrai lait. Okay. Et de délicieuses fraises. C'est les trois seuls ingrédients? Ben, en tout cas, c'est les principaux ingrédients. Ça dit que c'est basé sur une recette française authentique. OK. Sans conservateur. J'imagine qu'il veut dire des agents de conservation. Ouais, probablement. Sans arôme artificiel et sans colorants artificiels. Ce sont 6 crêpes emballées individuellement. OK. Ouais. C'est sans OGM, comme si les OGM étaient mauvais. donc, 6 fois petits emballages, comme fait sur le long, bien roulé, bien plié, je dirais plus même. Donc, ça dit... nos œufs arrivent très frais. C'est parce qu'ils ne sont jamais transformés ou déshydratés. Nos recettes originales raviront vos papilles. Notre fourrage, à la fraise est préparé avec de vraies fraises. Pourquoi voudriez-vous modifier la nature? OK, elles sont déjà oui. prédéterminées à avoir oui. du stock à l'intérieur. C'est mangeable. Ooh. Happy Go Snacky. Comme tous nos ingrédients, notre blé est certifié sans OGM, des origines simples, c'est le cœur de notre philosophie, nous aimons Dame Nature. Mm-hmm. Derrière tous nos produits se trouve la meilleure équipe d'artisans boulangers, c'est leur passion et leur savoir-faire qui rendent nos crêpes si bonnes. Ils sont très volubiles, hein? Oui, très. Donc, 6 crêpes emballées individuellement à apporter partout, ils montrent l'image d'une boîte à lunch. Donc, comme petit dessert, je me suis pas risqué à voir si... en fait, ça dit pas sur l'emballage si on peut les faire chauffer. Donc, je me suis dit, on va les manger comme supposément dans une boîte à lunch. On prendra pas le temps de faire chauffer. Peut-être que ce serait meilleur. Mm-hmm. Peut-être. Peut-être. Peut-être laisserons-nous si on a de la visite dans les prochaines minutes, tel que écoutons, supposé. On ne sait pas. On va voir. On sait jamais, vraiment. Ingrédients. Crêpes fait avec lait entier, farine de blé, sucre, œufs, beurre concentré, huile de tournesol, sel et garniture, c'est sirop de glucose, fructose de blé, fraises, sucre, glycérine, pectine de fruits, acide citrique, citrate trisodique et arôme naturel. Peut contenir, ça contient des œufs, du lait et du blé et ça peut contenir des traces de soya et de noix, mais ça ne contient pas d'huile hydrogénée. Et ce produit a été congelé et décongelé. Ah. C'est-à-dire, veuillez ne pas le recongeler. Donc, quand tu achètes ça à l'épicerie... Il a déjà été congelé? Il a été congelé, ensuite amené à l'épicerie. Et c'est décongelé. Ouais, c'est ça. OK. Mais bon. Quand même. Des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et techniquement, c'est encore... Ben, tu sais, ça dit bon jusqu'au 9 janvier 2011. C'est encore bon? Ouais. C'est encore bon. Ouais. Donc, voilà. Ça a été conservé dans un endroit frais. Parfait. On va voir si c'est bon. Peut-être que ça va être passé là. On va voir. Le sac magique. Le sac magique. OK, pour une crêpe, c'est quand même 120 calories. C'est sucré, hein? Ouais. C'est sucré. Le micro magique. Ah, oh, ils sont vraiment individuels, là. On dirait des sacs Yoplait. Est-ce que tu pensais que je te mentais? Ou... Non, mais je pensais que tu devais le sortir, tu sais, sortir la crêpe du sac. Ah, je comprends. T'es prêt? Je te la pitch. Youp! Merci. Voilà. Je m'en prends une. J'espère. En tout cas, d'après moi, ça n'a pas le choix d'être encore bon. Là. Fait que là, en temps normal, elles sont déjà garnies à l'intérieur. Ouais, c'est ça, aux fraises. OK. Aux fraises. Je retourne ici. Merci. Attention, on va ouvrir ça comme il faut. Ça sent les fraises, là, ça sent, vraiment ça beaucoup. Sent, ouais. Je me dis que l'intérieur pourrait soit être de la gelée. C'est fait avec des vraies fraises. De la gelée de vraies fraises. La gelée de vraies fraises, j'avoue. Ou, tu sais, comme on peut retrouver dans une Pop-Tart, mettons. Ouais, ben, ça sent les Pop-Tarts aux fraises ou les gaufrettes aux fraises. Pas mal tout de ce genre de gamme-là. En effet. Puis, sinon, je me dis que ça pourrait avoir l'air d'une petite crème aux fraises style yogourt. Ah, bon point. Mais la couleur me fait penser à la gelée d'une Pop-Tart. Est-ce que tu l'as découpé en deux? Parce qu'on a amené des couteaux. Est-ce que tu veux un couteau? Ben, je veux pas dévoiler le punch. Ah, j'avoue. J'ai un couteau, je pourrais le faire. Ne pas le dévoiler, on dirait que... Oh, ça se coupe pas bien. Ah non, pour vrai? Est-ce que c'est mou? Est-ce qu'on peut toucher un petit peu? Toucher? Écoute, c'est quand même mou. C'est quand même mou, mais... C'est quand même dur. C'est entre les deux, c'est moyen. C'est ça. C'est moyen. C'est plusieurs étages. Oh. Ça a une texture un petit peu pita, je te dirais. Oh. C'est... La confiture de fraises, peut-être? Je pense que c'est vraiment l'effet Pop-Tart. Ah, c'est peut-être décevant. On y va dessus parce que là, ça va me couler dessus. On y va, pas le choix, on y va. Okay. Ça marche bien. C'est vraiment de la gelée. C'est un peu sec. C'est vraiment sucré. C'est de la petite gelée. Ouais, de la petite gelée. Ça goûte la confiture Kraft là, cheap en petit cup de plastique. Là. Oui, carrément. Mais d'après moi, c'est ça. Je crois que David Ferron a eu le temps de dégeler de son séjour extérieur. Salut, David. Surprise. David Ferron qui est avec nous. Verdict? Je trouve que ça me fait penser à une version feuilletée de la Pop-Tart. Ouais. C'est vraiment ça. C'est très sucré, en tout cas. La gelée, ben, c'est bon. Ben, c'est pas particulièrement bon, je trouve. Ça goûte pas grand-chose, la pâte, non? Ouais. Ça goûte pas les crêpes. La crêpe en tant que telle est un peu décevante. C'est juste pâteux, c'est pas vraiment de la crêpe. La saveur de la fraise est pas naturelle. Non, vraiment pas. C'est très, très... Ça sonne chimique. Ouais. Mais ça l'est pas parce que c'est des ingrédients naturels. Ça sent chimique. Ça sent chimique, ça goûte chimique. Fait que ça, à un moment donné, elle appelle un chat. Uh-huh. Mais non, je suis pas super content. Je me demande si chauffer serait mieux, mais je suis pas sûr, je pense pas. Je suis pas certaine, pas parce que, tu sais, en confiture chaude, là. Non, c'est ça. Pas merveilleux non plus, là. Et tu vois qu'il y a vraiment pas beaucoup de garniture non plus. Hein. Si tu regardes un petit peu la section entrecoupée, là, on voit pas mal juste de la pâte. Mm-hmm. Il y a vraiment pas beaucoup de gelée. Ça déborde pas, là. Non. Vraiment pas. C'est une petite lisière qui a été mise, puis après on a roulé, c'est juste de la pâte. C'est beau, c'est attirant. Ça donne envie d'en acheter. Il y a des petits bonhommes de bande dessinée de fraises. Mais ce qui aurait été le fun, c'est qu'on gratte le sac et que ça sente ce qu'on goûte. Toi, t'es vraiment très, très genre multimédia. Ouais, hein. Faudrait qu'il y ait un petit écran vidéo aussi. Ah, mais là, scratch and sniff, c'est des grapes, là. Mais sur le sac. Scratch and snitch. J'ai dit scratch and sniff. Okay. T'as vu, David, j'ai fait un lien avec Radiohead. Tantôt, j'ai fait jouer Creep pour aller avec ça. Crêpes. Mais moi, je pensais que ça serait du miel parce que Creep est tiré de l'album Pablo Honey. N'importe quoi. Mais on mange des crêpes bizarres. Ouais. Bref, la moi, je donne... La crêpe est vraiment... décevante. Très, très, très décevante. Et la garniture aussi, pour vrai, je pense pas qu'elle est meilleure que la crêpe, la garniture. Tu sais, je m'entête à le manger pour savoir si ça va goûter meilleur à la fin. Ça se mange. Ça se mange. C'est pas ça, là, tu sais. Oui. C'est juste que j'en mangerai pas deux, puis j'en mangerai sûrement pas trois non plus. Il y en a combien dans l'emballage? Il y en a quoi, six? Trop. Ouais. Trois? Trop. Trop. C'est écrit dessus, trop. En fait, oui, en effet, en tout, il y en a six. Bon. Puisqu'on en a déjà pris trois et qu'il en reste trois. Bon, fait qu'on est obligé d'en manger chacun une autre pour pouvoir s'en débarrasser. Boy. Pousse en bas de mon côté. Ouais. Quel chat, elle aimerait pas ça? Mon chat, non, je pense pas comment. Elle est très, très fancy, ma chatte. Elle a du goût. Pousse en bas pour moi, toi? Pousse en bas. Bas, David? J'en ai aucune idée, c'est trop bizarre. Je dirais pousse en haut pour l'audace, mais pousse en bas pour le goût. T'as droit à une seule réponse? Ouais, Pousse en bas, voilà. C'est ce qu'on voulait entendre. À quel point c'est décevant, tout ça? Pour vrai, là, je m'attendais à beaucoup mieux que ça quand j'ai vu ça. Moi, j'adore les déjeuners, j'adore bruncher. Ça aurait pu venir avec une petite trempette de sirop d'érable, ça aurait déjà sauvé la mise un petit peu, peut-être. Je sais pas. Décevant, c'est les crêpes Baker Tea aux fraises. Chance qu'on n'ont pas fourni le crémage Pillsbury avec. Ah, ça, j'aime tellement ça, par contre. Comme sur les Pop-Tarts. Ah, que j'aime les crémages Pillsbury. Ah non, comme les strudel. Les strudel, ah oui. Ah, miam. C'est tellement sucré. Ouais, c'est vraiment sucré. Voilà. Bon, on est déçus. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme un rush d'adrénaline à cause du sucre. On n'a pas d'autres produits pour laver ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben non, tu sais, c'est... Chance que j'ai bu un smoothie aux bananes parce que je me sentirais pas mal plus coupable. Ben voilà. Cette saveur-là ne fera pas très, très long feu. Non. Du tout. C'était pas très soyeux. Mais tu sais, déjà, en partant, je suis plus du style salé que sucré. Surtout pour mes déjeuners, je sais pas vraiment pourquoi. Mm-hmm. Mais là, ça rentre juste pas. Non. On va finir par en revenir. Ah, David, s'en prend une deuxième. Je savais. Pour vrai, David, même si c'est très mauvais, il va quand même en manger. Beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose qui est bon là-dedans, mais je comprends pas. C'est comme... d'écouter une mauvaise tune pop. Tu sais que c'est mauvais, mais tu l'écoutes pareil. Il se fait aller le bâtonnet de crêpes, là. C'est... Ouais, mais je pense pas que ça soit comparable. Vraiment pas. C'est 240 calories. Ouais. Hey, David, fais un test. J'ai des napkins. Prends okay. ça. Napkin, oh mon Dieu, il foire là-dedans. Non, je veux que tu l'ouvres pour voir la garniture pour qu'on puisse la prendre en photo. Okay. Ah, OK. Donc, tu veux que je le déchire? Non. Je veux que tu l'ouvres la crêpe complètement. Ouvre la crêpe complètement. Okay. Déroule le rebord. Mais... T'es capable. On croit en tes capacités. C'est tellement secret que c'est collé. Ouais, ben c'est sûr que mince comme ça, ça doit pas être incroyable en termes de... Hey boy, d'épaisseur. Je pense que c'est plus le fun de jouer avec ça que de manger la crêpe. Tu sais, la crêpe, elle est décevante là, au point où que tu sais, c'est pas une crêpe incroyable. Oh mon Dieu! Il y en a tellement pas! Hey, pour vrai, il... La crêpe est vraiment longue! Je pense que David est comme rendu à 12 tours de crêpes, puis il y a une mini slice de confiture de fraises à l'intérieur. Tout ça pour 120 calories. Oh, et là, ça déchire. Mais là, de façon, il y a juste ça de confiture dans la crêpe. Ça, ressemble à un parchemin, ouais. Je dirais, la crêpe. Hein? Si vous voulez voir combien qu'il y a de confiture, bien, c'est facile. Allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Mathieu vient de prendre une photo. Et non seulement j'ai pris une photo, j'ai pris une vidéo de ça en train de dérouler. On va voir. Mais on dirait vraiment un parchemin sur lequel il y aurait des paroles bibliques. Non, tu sais, là, les papiers bleus là, avec lesquels tu peux essuyer ton comptoir. Ouais, c'est ça. Ça ressemble plus à ça. Salut, je suis une crêpe qui ressemble à un parchemin ou un chiffon-gis. Oh mon Dieu. Wow, David, c'est incroyable. C'est chier, non, mais là, mange-la. Pour vrai, c'est plus amusant de s'amuser que de manger ça. Ça, tu fais une boule avec puis elle déboule pas, genre. Tu sais, comme reste comme ça. Oh. Verse du café sur la table pour voir si ça va l'absorber aussi. Parce qu'on peut peut-être lui trouver une deuxième utilité. Attends, je vais aller me commander un café à Chasse-Galerie. Non, David. Et. Ah, ça déboule. C'est en train de se défaire, ouais, la boule. Ouais, ça se défait. Ah, ça fait comme une rose. Wow. C'est presque romantique. Un jour, ils vont servir ça dans les hôtels, un petit peu. Ben, c'est comme une crêpe française. C'est vraiment très, très mince. Ça, mais... c'est foutu dans la bouche. Ça marche. Oh. La crêpe en tant que telle est vraiment dégueulasse. Ouais, vraiment. C'est pas le fun. Bref, on a passé assez de temps là-dessus. J'ai pas aimé ça. T'as pas aimé ça. David a pas aimé ça. Voilà. David a pas aimé ça, mais il continue à la manger. Ah, il va finir le sac, c'est sûr. Non. Non? Bon. Il voilà. dit non. Là, il vient de... On décrit, là. On vient... David vient de lancer le sac au bout de ses bras. Dans 30 minutes, l'émission va être terminée. Il va venir en chercher une autre. On gage quoi, Tania? On gage quoi, Tania? Qu'est-ce qu'on gage? Est-ce que t'es capable moi, je de gage plus d'argent. J'en ai pas. Fait que... Mais sinon, qu'est-ce qu'on gage? On gage la personne qui amène le prochain produit à la chronique. Ah, on peut ça. Ah, bon, la dernière bouchée dit-il bien entendue. En mangeant la crêpe. Mais c'est parce qu'il mange tout de suite pour que dans une demi-heure, il n'ait plus faim pour venir en chercher d'autres. Ouais, mais ils viennent de dire qu'elle était vraiment dégueulasse. Ouais. Il peut finir les deux dernières, puis ça comptera pas pour dans une demi-heure. Ouais, mais c'est pas le fun, le gaspillage de crêpes industrielles. Ouais, bon. Pense à la machine qui a tout produit cette affaire-là. Ouais, ouais, vraiment. Clairement. La machine Baker Tea. On va terminer l'émission là-dessus. Désolé de devoir interrompre ça, mais à un moment donné, c'est le cas. C'est la fin de l'émission. Hein? Que voulez-vous? On se retrouve demain entre 7h et 10h pour notre édition Weekend. Soyez-y. Merci à tout le monde. Marianne Doyon pour sa participation, chef de la Chasse-Galerie. Oui, André Beauchesne, Denis Baudin de Sport Hommage Mauricie qui sont venus nous parler un petit peu. Et David Ferron qui est passé faire son tour. Voilà. Sur nos ondes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous réserve? On est jeudi. Et donc, à partir de midi, est-ce qu'il est là cette semaine? Oui! Patriote en action, à midi. Hein, c'est la nouvelle heure. Ça monte, ça descend une heure ou peu importe. Ensuite, la rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À partir de 19h, le retour de Très Blues, ça s'y fout avec Denis Baudin. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados-diffusions. Je l'ai dit, à demain, 7h. Et on se quitte avec une pièce de la famille Ouellette. Ah, la famille Ouellette. Leur célèbre pièce Satin, parce que c'était tellement pas doux, la crêpe. Puis parce que c'est la seule qu'on connaît. C'est ça. À demain. Bon café! Oui! Je voudrais mieux y voir. mais tes doigts qui me guident deviennent mon chemin. J'ai pas trop voulu croire, mais les moments scintillés deviennent lendemain. Ah. Ton regard me chavire et on laisse un ouvert dans le bar orphelin. Quand